N'oublie pas, j'ai de chance. Oui, c'est vrai. Avant de nous lancer dans cette aventure terrorisante, les jets de chance sont à vous. Bonsoir à toi, Ezreal Lantin. Attends, moi je vais faire un 1 là-dessus, comme d'habitude. Oh, j'ai raté, trop bien. Non mais ça m'énerve, ça fait plusieurs sessions que j'ai réussi là. Moi, alors, du coup, j'arrête pas de réussir mes jets de chance. Voilà. Donc on n'aura qu'une seule personne qui a échoué, donc qui a réussi. C'est un des 10, on est d'accord. Faut lancer. C'est un des 10, exactement. Ouais. Donc tu peux te rajouter 5 de chance. Je suis à 54. Alors, Peter est pété de rire. Ce soir, il sera pété de rire. Je vous l'annonce. je suis pété tout court. Hein. C'est la joie d'être ici. Ouais. Alors. Bon, allez, moi j'attends que Emilio prenne la rasade et qu'on le revoie plus jamais. Alors. Elle est déjà prise la rasade. Alors, ce que je vais faire en direct live, je vais créer un autre salon vocal sur le Discord à laquelle on joue. Comme ça, je vous demanderai pas d'enlever vos casques à chaque fois. Mmh. Je vous mettrai directement de force dedans. Attention. Ça sent la session un peu épicée, ça. Hein. Oh non. Alors, regarde, on est dans le général d'ailleurs. Là. Bah oui, ça, oui, mais là, on est dans notre, notre Discord spécial juste pour nous. Personne viendra nous embêter. Ah oui, c'est vrai. J'avais pas vu. Hop. Voilà. Alors, cette fois-ci, je vais parler à Emilio. Donc, les autres, je vous mets en attente. Vous pouvez discuter entre vous, il n'y a pas de problème. Emilio, tu es donc parti dans ton sommeil. Seulement, dès que tu te réveilles, en fait, tu n'as pas vraiment l'impression de t'être endormi. C'est comme si tu t'étais senti partir et en fait, tout de suite après, tu récupères tes esprits, sauf que le monde autour de toi a changé quelque peu. Déjà, tu te rends compte que il n'y a plus d'ampoule ou de lumière telle que vous la connaissez, mais tout a été remplacé par des torches. Tu sens que l'atmosphère a changé et que quand l'odeur qui t'arrive aux narines est un petit peu une odeur de métal, de soufre mélangé, ça sent vraiment pas super bon. Et quand tu réalises, tu vois que il n'y a pas de Edgar Wellington sur ce lit et que tout ce qui était moderne pour toi, en soit en 1900, on est d'accord, 1920, a disparu. Et que pour toi, ça te fait plus penser à des choses, à des objets, des meubles plutôt du type médiéval. Donc la couche, le lit et une simple couche de paille. Tu vois que tout ce qui était des cadres, tout ça, ont disparu et sont remplacés par des toiles simples. Et que l'état général est vraiment que c'est une bâtisse médiévale. C'est d'accord. Assez troublant. Tu commences un peu à te lever. Et tu regardes dans la pièce à côté où se trouvait également le corps de William et celui-ci n'est plus présent. Je vais récupérer les autres. Ouais. Vous êtes revenus, mes chers amis. Pas mort. Il y a fait un aller-retour là. Vous Non, il est toujours de l'autre côté. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, vous voyez à ce moment-là Emilio qui s'écroule sur le sol. Et je vous laisse gérer la situation. On se met d'accord avec Nelson? Oui, oui, vas-y. Catherine, je pense que il est mort. Ou du moins, il est dans le coma. Et je pense qu'il faudrait le surveiller pendant que je bois le reste de la potion qui fait rêver la losanonie. Coma. Ah, qu'il y en a assez pense pour que Nelson. Ouais, je pense que Nelson peut nous surveiller, n'est-ce pas Nelson? Ouais. Imitation de Nelson. Tout à fait. tout à fait. Je m'occuperai de vous surveiller. D'ailleurs, je vais m'empresser d'aller fermer la porte de la boutique et de faire en sorte. Ça que donc, vous êtes devenu prudent, Nelson. Incroyable. Oui, car je suis conscient que des enjeux bien plus importants que nous se jouent en ce moment même. Donc, je dois. Il y a quelque chose qui a changé chez vous. Oui, c'est pas toi. dans tous les cas, mettez-nous, je sais pas, dans un coin confortable, quoi. Mais laissez pas nos corps. Ah bah, Kemma fait de la merde, j'ai l'impression. Alors, à un moment, ma caméra fait de la merde sur le Twitch. Non, mais t'inquiète. Du moment qu'on t'entend, on va pas faire de. Voilà. C'est le plus important, c'est ta voix. Ça fait. Ah oui. Du coup, bon bah, Peter, vous y allez en premier ou les fans d'abord? C'est bien vrai, c'est bien vrai. La galanterie avant tout. Hein. Je n'oublie pas. Ce qui est plus important que la galanterie, c'est la tendresse. Bah, tu vois Nelson, après avoir dit ça. Tu vois Nelson quand même qui juste avant que tu bois, qui a ramené des petits coussins et qui t'a mis ça bien pour pas que tu tombes et te cognes et tout. Et il prépare la même chose pour toi, Peter. il a préparé le coup où je bois. Voilà. Bon, je lui dis, vous ne me touchez pas quand je dors. Je suis très sensible à ça. Ouais, de toute façon, j'ai pas envie de vous toucher, mon cher Peter. Du coup, c'est toi, Catherine, qui commence à boire un petit peu de cette Lausanne onirique. Et effectivement, tout de suite après, juste avant que tu tombes dans les limbes des rêves, on va dire, eh bien, Nelson récupère vite fait la fiole et l'attend à Peter. Te laissant partir dans le monde des rêves. Tout de suite après, Peter, tu fais exactement la même chose et tu rejoins tes amis dans ce monde des rêves. Du coup, vous vous sentez un petit peu tous les deux comme si vous étiez au bord de l'évanouissement, comme si tout se figeait dans... au niveau de votre vue, que vous vous sentiez un peu défaillir. Et au moment où vous auriez basculé, en fait, vous reprenez conscience, sauf que vous êtes au même endroit, mais celui-ci ne ressemble pas à ce que c'était dans la Lausanne réelle. Vous voyez, au moment où vous arrivez... Emilio qui est debout et qui est dans l'autre pièce en train de regarder ce qui était à ce moment-là le corps de William qui n'est pas là où il n'y a rien et vous réalisez que l'éclairage donc les ampoules tout ça n'existent plus et ont été remplacé par des torches. Vous réalisez également que tout ce qui faisait la modernité de 1920 a totalement disparu, laissant place à un mobilier, une décoration, une architecture plutôt médiévale, on va dire 14e, 15e siècle. C'est assez surprenant. Le lit où était le corps d'Edgar qui n'est plus là. Hein. Et plus un lit en paille, de paille. Et les dessins, les peintures qui étaient autrefois sur les murs sont remplacés par de vulgaires dessins, de toiles sans même un cadre, plus des petites toiles déposées. Mais dans l'ensemble, vous voyez que on est plus retourné dans un style médiéval plus que moderne. L'odeur aussi qui emplissait la boutique a changé. Et vous sentez que c'est une odeur plutôt de soufre mélangé avec du métal. Assez prenant les narines. Enfin, c'est assez prenant au niveau des narines. Assez oppressant. Et donc, vous êtes à l'étage. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'on peut observer notre environnement plus en détail, s'il n'y a pas une cache ou quelque chose du genre ? Quelque chose, un papier, tu vois, par exemple, je sais pas, le fameux parchemin de CDFK, mais... Eh bien, vous essayez de trouver ça, vous cherchez où exactement ? Moi, j'essaie d'écouter, en fait, ce qui pourrait se passer en dehors de la bâtisse. Si on entend des bruits... Effectivement, oui. Quand tu tends l'oreille, tu entends des cloches puissantes teintées au loin. Et de ton souvenir et au vu de l'endroit où tu estimes que le son provient, tu penses qu'il vient de la cathédrale. D'accord. Et c'est un son de cloche qui est permanent, qui est tout le temps en fait. C'est pas genre ça va sonner trois fois et après ça s'arrête. C'est tout le temps. Ça sonne, ouais. ça sonne. C'est comme si quelqu'un attaquait la ville un peu. Voilà. D'accord. Et je regarde, je palpe, ma veste pour voir si j'ai encore mon arme aussi. Eh bien, tu te rends compte que ton arme n'est plus un pistolet, mais une épée. D'accord. Et mon poids américain, c'est devenu une dague, c'est ça ? Exactement. Super. Ok. Oh, ça me va. Hein. Ok, très bien. Étrange, cet endroit. Plutôt, oui. Du coup, vous... Toi, donc, Milo, tu écoutais au loin. Pour toi, Peter, tu cherches où exactement ? La pièce où nous sommes, l'endroit où nous sommes plutôt. Il me semble pas qu'il y ait une sortie. Y a-t-il une sortie ? Eh bien, il y avait deux sorties, en fait, il y avait l'entrée du magasin et il y avait en fait une petite cour qui donnait, une petite porte qui donnait sur une cour, mais où tout était fermé par. Enfin, il y avait une fois dans la cour, c'était un mur surélevé. Voilà, c'est tout. Je sais pas où il a planqué son parchemin dans cet endroit. S'il semblerait bien être l'endroit où il a caché le parchemin de CDFK. Mais je pense qu'il ne l'a certainement pas caché très loin. Enfin, ça m'étonnerait qu'il ait allé très loin pour le cacher. On était quasiment sûr que c'était dans la boutique. Donc, quoi qu'il en soit. Bah, il faut fouiller à l'intérieur. Exactement. J'ai regardé derrière les petites tentures, les petits tableaux. Hein. Ouais, si j'étais un tout petit peu accro à une sorte de potion qui nous envoie dans un monde parallèle, où est-ce que je cacherais un parchemin décrivant une statuette ancienne pour la détruire ? Justement, moi je me dis derrière les petits tableaux là, on peut facilement mettre un parchemin. Ouais, les cadres refaitent parfois plus de secrets. D'accord. Il y a qu'un étage, c'est ça, dans le bâtiment ? Oui. Y a l'étage de vie en fait, là où vous êtes, vous avez trouvé en gros. Je vais baisser un peu la musique parce que là ça fait peur à chaque fois. Voilà. Oh mon dieu, il n'y a qu'un étage! L'étage, en fait, à l'étage c'est le lieu de vie, et en dessous c'est la boutique. Allez, au rez-de-chaussée, oui. C'est la boutique. Hein. Est-ce que du coup, on essaie de se séparer, on essaie de... Moi, je voudrais bien fouiller l'étage. Ouais, bah je vais aller au rez-de-chaussée. Emilio, je ne sais pas... Moi, je vais faire ce que j'ai dit, donc... Regardez le plancher, c'est quoi ? Le plancher, c'est quoi, Gossed ? MJ. Ouais. Alors c'était alors à la base c'était un beau plancher bien travaillé et là aujourd'hui vous voyez que c'est des poutres, disons des poutres et un plancher assez vétuste mais moi aussi, enfin assez grossier qui est dans au niveau de l'étage. Et d'ailleurs, les murs ont changé puisque c'est de la pierre. C'est du mur, c'est de la pierre apparente. Donc, c'est des gros blocs de pierre qui font les murs. On les avait posés avec un mortier de fortune. Je donne un coup de coude à Catherine et je lui dis qu'on est dans le donjon du Seigneur. Voilà, c'est tout. Après, je continue ma fouille, peut-être en touchant la pierre, en essayant de voir peut-être un passage. Un endroit où il aurait pu planquer entre deux morceaux de mortier, un parchemin, dans ce mur des lamentations. Eh bien, tu cherches à l'étage, tu cherches dans des petits recoins et tout ça. Tu vas me faire un jet de toc. Pourquoi pas ? Bah dis donc, pile poil. Je sais pas, c'est... Donc tu réussis. Alors, en soi, tu ne trouves pas le parchemin. Il n'est pas là. Clairement pas à l'étage. Par contre, tu trouves dans un petit renfoncement de la chambre un petit trou où pourrait se trouver quelque chose. Est-ce que tu mets la main dedans ? Je dis à Emilio, venez voir. Ah non, moi je suis trop occupé à regarder derrière les cadres, excusez-moi. Non, venez voir. Non, oh là là, regarde. Tu n'y as pas le parchemin c'est antique. C'est important, Emilio, venez voir. Ah mais vous êtes grand et fort, Peter. Et vous êtes fin, et je pense que vos doigts sont très longs. Venez. On compare. Voilà, tu moi, vois Emilio qui te tend sa main et qui te présente sa main en face de toi. Moi aussi. Ouais, je fais ça, je fais une patte de singe. Bon, d'accord, ok, très bien. Bon, je regarde ce qu'il y a. Quoi. Tu passes ta main, Emilio, dans ce trou. Je fais bien attention. Et au moment où tu penses mettre la main sur quelque chose, tu sens que c'est mou. C'est poilu. C'est un rage, j'enlève. Et ça bouge jusqu'au moment où... Ah non. Et tu sens que tu viens d'être mordu par cette chose. Et tu vois, en regardant ta main, une petite morsure de dents. A priori. Une araignée. Une araignée avec des grosses dents. Là. Ah, super, je suis infecté maintenant. Voilà. Mais oui, c'est vrai qu'à l'époque... À l'époque médiévale, la peste pouvait frapper assez régulièrement. Non, je vais prendre ma dague par contre, et je vais la mettre dans le mur. Tu la mets dans le mur. Ah, c'est-à-dire dans le trou ? Dans le trou, oui. Ah bah, tu mets. Alors, fais-moi un jet de couteau, enfin, j'ai plus c'est quoi d'ailleurs, je m'en rappelle plus. On va rapprocher, c'est ça ? Ouais, c'est... vas-y, fais-moi soit ça. Combat rapproché, soit combat à distance. Donc, fais-moi un combat rapproché. Hein. Donc, tu seras rapproché du rat. Génial. Alors, ça donnait quoi ? Ça fait 20 ? Ouais, 20. Oh là là. Donc c'est un succès de ouf, c'est ça ? C'est un succès majeur. Eh bien, au moment où tu mets ton couteau à l'intérieur, t'entends et tu retires ta dague et tu vois effectivement planter. Mais genre, de part en part de ton couteau, un rat. Oui. Je regarde Peter, je fais, ben voilà votre dîner. Peter, il te tend ton dîner si tu le veux. Si tu veux, tu peux passer à moi, je commence à descendre. Alors, par contre, il faut que tu... Alors, si tu n'es pas en webcam, il faut quand même que tu nous laisses ton son, Peter, post-spécial. On risque pas de t'entendre, ni... déjà qu'on te voit pas. À moins que t'aies un souci. Mais... Non, mais je crois qu'il s'est absenté, en fait. Ouais. Ah. Et si tu veux, tu peux faire un parallèle. Un montage. Oui, alors oui, en attendant, Catherine, que fais-tu? Ben moi, comme je le disais, je vais du coup m'occuper d'en bas. Ah bah, il est de retour, mais... Bah, je suis là. Oui, parce que il s'était passé quelque chose, on t'avait perdu, donc... Je pensais que tu étais présent, mais tu n'étais point présent. Donc, Emilio s'est fait mordre par un rat qui était donc présent dans ce trou. Et en représailles, a décidé de mettre fin à la vie de ce rat en insérant sa dague à l'intérieur du trou, transperçant de part en part ce rat qui avait peut-être une famille malgré tout. Ou la peste ! Une famille qui est peut-être encore présente dans ce même trou. Ah, mais non, j'ai senti qu'un truc, moi. Hein, et qui va peut-être vouloir se venger. Déjà, la vengeance des rats. Bon, du coup, il est content de moi en fait. Il te tend, d'ailleurs, il te tend ce rat et il te dit tu vas pouvoir le manger. Voilà votre dîner, hein, Peter. Je vous le laisse. Je pense que je vais me passer de repas. Au même moment, Catherine, donc tu, que fais-tu? Eh bien moi, comme je disais. Je descends en bas pour se répartir les tâches. Et je pense d'ailleurs elle l'aide déjà, parce que si Peter a eu le temps de fouiller toute le haut, je pense que j'ai le temps d'aller en bas. Alors quand tu descends, eh bien tu remarques que, et comme en haut, les ampoules ont été remplacées par des torches. La torche qui... Enfin, du coup, l'ampoule qui était grillée, eh bien, est... éteinte. Du coup, la torche est éteinte et il n'y a qu'une faible lueur de la torche. Par chance, la torche éclaire mieux que l'ampoule qui était alors présente dans le Lausanne du réel. Quand tu descends, tu es assailli d'odeurs fétides, putrides, de chair en putréfaction. Et tu te rends compte que la plupart, donc tout même la totalité des animaux qui étaient empaillés, eh bien, sont en état de décomposition complète. Et qui sont posés tels des animaux qui auraient été juste tués et posés tels quels et en train de pourrir pleine de vers. Et c'est une... D'astico. C'est d'astico, voilà. C'est vraiment... ignoble. Voilà, que fais-tu? J'essaie de prendre une torche. D'accord, tu vas me faire un jet de toc pour savoir s'il n'y a pas une torche posée, parce que celles qui sont en hauteur et difficiles d'accès. S'il veut bien. Oh, il y en a pas. Alors, tu cherches. En fait, ce qui se passe, c'est que tu cherchais du coup à trouver cette torche. Te voilà parti un peu à droite à gauche. La lumière étant assez faible, tu te diriges vers un endroit de l'atelier et tu remarques quelque chose qui a... Enfin, d'un premier abord, comme ça, pourrait te faire penser à une torche posée. Tu viens à la prendre en main et tu la ramènes de l'autre côté pour essayer de la tendre vers une torche qui est un peu plus loin pour l'allumer. Sauf qu'au moment où tu t'approches de la torche qui est allumée, tu te rends compte que tu tiens en fait dans ta main la patte d'un sanglier, mais genre pourri, avec des asticots qui te qui te passe sur les doigts, tu vois, il y en a partout, t'as la moitié de la chair qui te reste dans les doigts, c'est tout poisseux, et en gros, ça te fait une vision terrible, dégueulasse, et tu vas me faire un petit jet de salle. Le vomi. C'est pas ouf, mais c'est pas grave. Ta réaction est instantanée. Tu balances tout de suite dès que tu vois la chose à travers la pièce. Tu cherches en fait à t'essuyer à n'importe quoi, sauf que les seules choses présentes ici ne sont que des cadavres de bêtes en décomposition. Du coup, tu t'essuies sur toi-même, malheureusement, salissant la robe médiévale que tu portes. Et tu as un haut le cœur. Tu perds un point de santé mentale. T'étais pas loin de vomir, mais bon. C'était limite, quoi. Que faites-vous là-haut? Ouais, moi, je jure en italien déjà. Cazzo, oui. Cazzo di merda. Bah, je vais te croire. Hein. Et je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Je vais chercher derrière les semblants de tableaux. Mais Emilio, vous pensez pas qu'il y a d'autres choses dans ce trou que... Mais regardez vous-même là. Pourquoi vous me demandez à moi? Là, c'est bon, hein, au bout d'un moment. Parce que vous avez les doigts fins, Emilio. Je vais sortir un rat. Non, je vais pas vous faire plaisir, Peter. Dans tout ça, vous entendez que... Catherine, tu entends de plus en... Toi aussi, en descendant, tu entends les cloches qui sont incessantes. Et à travers la devanture du magasin, alors tu vois d'ailleurs que les vitres ne sont pas des vitres. Enfin, ce sont des espèces de vitraux peint, mais tu vois quand même un peu à travers. Le verre n'est pas parfaitement translucide, mais tu vois des formes, a priori des gens, qui marchent dans la rue et qui se dirigent toutes vers le même endroit. Et tu penses qu'ils se dirigent tous vers la cathédrale. Pendant ce temps-là... Moi, je regarde ce que j'ai sur moi, en fait. Eh bien, vous remarquez tous, du coup, que vos vêtements ont changé et que vous portez tous des habits, on va dire, de l'époque médiévale, avec des habits de cuir, un peu, pas moulants, mais bon, proches du corps, des bottes, de la botte... petite chemisette avec un col ouvert. Voilà, alors est-ce que vous portez un chapeau? C'est à vous de choisir, mais voilà. Oui. Voilà. Un chapeau avec une plume. Voilà, la chapeau de plume, tel un conteur ou un barde, si tu veux. Voilà, et du coup, et bien toi, Catherine, c'est pareil, une robe un peu. D'une pièce avec des lacets dans le dos un peu pour serrer le truc. Et voilà, mais tu vois que tu es recouverte des pieds à la tête puisque il ne faut pas montrer une once de peau. C'est déplacé. Ce serait obscène. Toi, Emilio, tu essaies de ou regarder en dessous des toiles, en dessous des trucs, et tu trouves pas grand chose en fait. Vraiment, là, vous savez pas trop. Bon, il y a Catherine qui a été dans l'atelier, mais a priori, la seule chose qu'elle a trouvée là-bas, ce sont des carcasses d'animaux, un ours encore là-bas, prêt à être empaillé, mais qui pue, c'est vraiment dans la pourriture la plus absolue. Voilà. Que faites-vous? On va peut-être se rendre à cette église, hein. Cathédrale, attention. Cathédrale, excusez-moi. J'ai l'habitude d'aller à l'église, pour ma part. Parce que je suis protestant. Il n'y a pas vraiment de cathédrale aux États-Unis. Excusez-moi d'être catholique. Non, vous excusez pas. C'est dans votre nature. Purement un comportement de protestant, là, ce que vous me dites. Toujours être cynique envers les personnes de votre qui ne sont pas de votre obédience, hein. On en parlera dès que l'Inquisition espagnole aura avoué ses péchés. Mais tant mieux, je ne suis pas espagnol, je suis italien. C'est vrai, on fait facilement l'écart. Allons à cette cathédrale. Oui, allons-y. Eh bien, vous sortez. Et quand vous ouvrez cette porte, effectivement, vous êtes frappé par la population qui s'avance. Il nous frappe à coups de bâton. En fait, vous aviez remarqué que lorsque vous étiez dans le Lausanne du présent, eh bien, la rue était assez peu fréquentée. Il n'y avait pas beaucoup de monde, même en journée. Et là, vous voyez beaucoup de gens, en fait. Et ces gens, en fait, ne vous calculent même pas. Ils partent tous, donc bien sûr, habillés de façon médiévale. Et vous voyez que leur visage est assez froid, un peu avec les traits de la colère. Comme si ils se rendaient à un endroit pour exprimer leur colère et voilà. Enfin, vous sentez quand même une tension vraiment importante parmi cette foule, mais les gens ne vous calculent absolument pas. Quand vous arrivez du coup dans la rue, vous remarquez que vous reconnaissez, mais l'endroit est différent. Vous savez que c'était cette rue. Au niveau de déplacement, tout ça, c'est comme avant. Mais tout a changé dans le sens que ce sont des bâtiments donc médiévaux. De grosses pierres posées les unes sur les autres. Le sol donc n'est plus n'est plus propre. C'est vraiment de la terre. Il y a des flaques partout. Vous voyez des déchets sur le sol. Les gens balancent tout en fait dans les rues. Hein, vous voyez que c'est vraiment le dépotoir. Et vous notez aussi qu'en levant les yeux au ciel, le ciel a une teinte violette. Violette rouge. Que l'odeur qui émanait de la boutique, en fait, sauf du bas de la boutique où il y avait la pourriture des bêtes, mais c'est une odeur de soufre et de métal mélangé, mais très puissante. Et donc, vous voyez que c'est vraiment l'air ambiant qui sent ce truc. Vous voyez vraiment que c'est une atmosphère cauchemardesque, quoi. C'est vraiment du gothique cauchemar, quoi. Vous êtes vraiment dans un truc de malaisant, quoi. Vous entendez ces cloches encore plus puissantes. Pong, pong, pong, et ça n'arrête pas, c'est entêtant, c'est limite, ça vous fait mal au crâne tellement à force, quoi. Et que au loin vous voyez que c'est un coucher de soleil, mais qui est genre permanent, comme si vous avez l'impression que la nuit ne viendra jamais, mais le soleil ne montera jamais au ciel, enfin dans les hauteurs, quoi. C'est vraiment bizarre, troublant. Vous entendez les gens parler, sauf que vous arrivez pas, enfin vous les comprenez, mais à la fois vous ne pouvez pas nommer la langue qu'ils utilisent. Ce n'est pas du français, ce n'est pas de l'anglais, c'est voilà, vous ne connaissez pas, c'est pas cette langue, mais vous la comprenez. Qu'est-ce que vous faites? C'est italien. Voyons. Emilio, pince-moi. Je le pince bien, bien fort. Aussi fort que le rat m'a mordu. Est-ce que ça me fait mal? Quand il te pince, tu es pris d'une douleur immense. Ah! Pas si fort! Ah, vous êtes vraiment un bon acteur, vous jouez très bien la comédie. Regardez, j'ai un bleu! Et effectivement, tu vois que sur ta joue, enfin, tu ne vois pas toi parce que c'est difficile de voir ta joue, mais les autres pouvaient voir une trace bien bleue, rouge bleue au niveau des. Limite, on a presque voir les doigts de Emilio sur la joue de Peter. Mais non, tu ne te réveilles pas, malheureusement. C'est bizarre, j'ai du mal à respirer, j'ai mal à la tête à cause du son des cloches. Et j'en parle une langue qu'on dirait que je ne connais pas mais que j'ai l'air de connaître. Est-ce un rêve, Emilio? Que faites-vous dans mon rêve, Emilio? Catherine, je te comprends, Emilio. Peut-être que c'est un cauchemar et pas un rêve. Non, il y a Catherine, ça peut pas être un cauchemar. Oh, que c'est mignon. Mais moi, je me retourne vers un passant quand même et je lui demande ce qui se passe. Ah, oh, je suis pas sûr. Hein. Ils sont énervés, je te rappelle. Hein. Ouais, vous voyez que le premier à qui tu demandes t'ignore totalement. Ok. Vous voyez qu'au bout d'un moment, il y a un groupe de personnes qui s'avancent. Tu t'avances vers eux. Tu vois que ils portent des tenues assez loufoques. Ils ont des masques, des capuches. Ils sont en déguisé. Il y en a un qui est déguisé en mort. Vous savez, la faux avec. Là. Il y en a un qui est déguisé en ange. Vous en avez un autre qui est décidé en soldat médiéval. Un autre dessiné en déguisé en lion, en turc, en assassin, un autre en paysan, une autre en paysanne. Et vous voyez que cette petite troupe de personnes pousse un peu les gens pour parler. Vous voyez que ils ont tous un visage figé, inexpressif. Vous voyez que leurs yeux sont tels des yeux de porcelaine. Ils sont blancs, d'un blanc parfait avec la pupille et tout, mais ils ne bougent jamais. Et que de leurs yeux, en fait, sur leurs joues coulent des larmes de sang. Ils se mettent à chanter en latin et en remuant des encensoirs, donc avec des fluves d'encens qui les entourent. Tout ça mélangé avec les pang, les cloches qui continuent vers la cathédrale. Vous voyez qu'au bout d'un certain temps, au moment où ils arrivent à votre hauteur, la personne déguisée en lion, des ailes lui poussent littéralement dans le dos. Ils se mettent à s'envoler. Ils s'envolent. Quelques instants après, l'homme déguisé en soldat, la même chose lui arrive. Des ailes lui arrivent dans le dos. Et il le suit. Au moment où il passe au-dessus de vous, leurs larmes de sang viennent s'abattre sur votre visage. Repartons. Et ils partent au loin. Seulement, quand les larmes vous tombent dessus, vous sentez qu'elles vous brûlent la peau. Mmh. c'est que ce bordel? Ah, j'en sais rien, ça me rappelle le train, clairement. Il avait pas écrit ça dans son journal, l'autre enfoiré. Hein. Non. Non, mais moi ça me rappelle surtout le. On dirait le jugement dernier, quoi. Enfin. Moment où. Ceux qui ont. Dans le jugement dernier, qu'est-ce que vous racontez? Les gens s'envolent quand les bonnes personnes s'envolent, rejoindre notre Seigneur. Voilà. Mais pas les Turcs. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous. Il y a les Turcs chrétiens. Et. Enfin, c'était. Là. Qu'est-ce que vous faites? N'oublions pas pourquoi nous sommes ici. Nous sommes à la recherche. Le document, est-ce qu'on est sûr vraiment qu'ils sont dans la maison? Ils seraient pas, je sais pas, l'endroit où tout le monde est attiré là, actuellement? C'est le genre d'objet qui pourrait attirer les gens, je veux dire. On avait lu, il me semble, que c'était dans le périmètre de la maison. Je crois. Après, juste une précision, vous savez que Edgar Wellington s'est rendu dans le monde donc de la Lausanne onirique juste avant que vous tombiez dessus. Ah, il aurait peut-être changé sa place du coup. Bon, quoi qu'il en soit, je ne sais pas. Ok. Allons voir là-bas, peut-être. C'est même lui qui actionne les cloches, on ne sait pas. Allons voir ce qui se passe. Allons à la cathédrale. De toute façon, on n'a rien trouvé là-bas. Peut-être une chance que ça s'améliore. Donc vous avancez dans cette rue. Toujours avec autant de monde, vous avez l'impression que ça n'arrête jamais en fait, comme si c'était une foule incessante qui venait et sans jamais, genre comme si Lausanne était, il y avait des millions de gens, alors que je peux vous dire que la Lausanne médiévale, c'est un peu bizarre, enfin vous imaginez pas qu'il y ait autant de monde dans une Lausanne médiévale. Mais voilà, c'est un flot incessant de personnes. Et vous avancez. Ça fait bien 15 minutes, 20 minutes que vous avancez. Et vous avez l'impression que la cathédrale, en fait, elle est toujours à la même distance que il y a 15 minutes, quoi. Mais seulement le décor change. Vous voyez que les rues changent, que vous n'êtes plus devant la boutique. Et que vous voyez des rues transversales, des petites rues transversales. Oui, des gens sont présents aussi. Et d'ailleurs, vous voyez que sur une rue à droite, il y a une espèce de lueur blanche au fond. Enfin, du moins, pas... La rue, c'est une rue qui part au loin, mais genre à mi-distance, genre à peut-être 100 mètres de vous, vous voyez une espèce de lueur blanche en plein milieu. Je m'y dirige. Ouais, pareil. Donc bah, vous avancez vers cette lueur et vous tombez nez à nez avec une espèce de fissure béante, comme une fissure spatio-temporelle, si je puis dire, en plein milieu de la rue. Qui est déserte, une fissure béante d'où s'échappe un vent glacé avec un bruit strident, vous savez, le vent puissant dans les tempêtes qui fait un bruit, enfin je n'arriverai pas à le faire, mais voilà, imaginez un bruit puissant de vent qui passe entre deux dans une fissure, en fait, qui fait un bruit assez puissant. Vous avez des bourrasques qui sont tellement fortes que vous ne pouvez pas plus avancer. En gros, comme si vous luttiez contre le vent et que le vent était tellement puissant que Vous ne pouvez même pas vous approcher plus près de cette fissure en plein milieu. Et voilà. Je vais quand même essayer hein, de m'y approcher. Tu ne peux pas. Littéralement, tu ne peux pas. Le vent est trop puissant pour que tu puisses faire quelque chose. Il faudrait être surhumain pour pouvoir avancer plus loin que ce que. Déjà, ce que vous, là, vous avez fait, c'est vraiment la limite. Vous êtes au bout du bout, quoi. Il y aura quelque chose d'autre autour ? Non. Voilà, c'est. Vous avez. Enfin, vous pensez que vraiment, c'est. La fin, quoi. C'est-à-dire, y a pas, tu peux pas aller plus loin, il n'y a pas réellement de choses autres que ça. C'est juste une aberration en fait dans le décor, parce qu'une fissure spatio-temporelle en plein milieu d'une rue n'a pas de sens. Tu balances un caillou dedans. Alors, quand tu lances le caillou, tu vois que le caillou il commence à partir, mais à peine il a fait 10 cm, qu'il repart dans l'autre sens. Ok. Et en fait, quand il repart dans l'autre sens, vous voyez qu'il vient s'écraser sur le visage d'un homme et le transperce. L'homme tombe à terre, il est mort. Emilio, qu'est-ce que vous avez fait ? Et les gens l'ignorent totalement et continuent à avancer. Emilio, vous... c'est moi qui ai fait ça. Oui, c'est vous qui avez jeté ce caillou, non ? Emilio, tu réalises ce que tu viens de faire, tu vas me faire un jet de sang. T'as tué un homme. Oh, c'est pas la première fois. Hein. Oui, alors, mais là, tu l'as fait par accident, ça va. Ça va ? Bah oui. C'est bon, c'est qu'un accident. Visiblement, il n'avait pas toute sa tête. Je veux dire, c'est pire que notre Oxide qui a tué un homme pour lui arracher le cœur et pour faire un sacrifice pour sortir d'un endroit comme celui-ci. Oui, c'est vrai. Eh bien, Emilio, il faut croire que peut-être cette ambiance de rêve surréaliste et ce monde un peu chaotique te permet un peu à supporter ton geste, puisque quelque part tu te dis que ce que tu vois n'est pas réel et que pour le coup cet homme n'est pas réel non plus, donc tu n'as tué personne. Ce qui te permet d'accepter la situation et que... Mais pour moi, ça ressemble beaucoup aux personnes en fait, qu'on avait vues dans le train, en fait, justement. Bah, mais non, ils sont quand même plus physiques. Enfin, les autres étaient plus dans l'ordre du zombie, que là, tu sens quand même, ils sont, Mais là, en fait. Ouais, mais ils ont pas de conscience réelle, on dirait. Je me rattache là-dessus. Ceux que vous avez croisés avec le groupe déguisé, peut-être. Mais les autres sont tout à fait réels, même si ils ne parlent pas forcément. Tu t'es rendu détruire toute la santé mentale des milieux là. Il fait une barrière, tu sais, en mode non, mais c'est bon. Mais j'ai telle excuse. Je sais pas, il remarque même pas qu'il y a un de leurs mecs qui est mort. C'est ce que tu te dis pour te protéger mentalement, que ceci est un rêve. Et que tu n'as tué personne en réalité. Que faites-vous ? Est-ce que vous retournez dans la rue principale pour essayer de continuer votre route ? Bah, vu qu'on peut pas aller plus loin, oui. Au bout d'un moment, on va pas se battre contre. Je vais regarder tout autour de nous pour voir si on n'est pas suivi ou si on n'a pas l'air d'être surveillé. Non, vous voyez, vous êtes les seuls dans la rue et les gens continuent à aller dans la même direction, la seule et unique direction. Je vais essayer d'arrêter un gars. Est-ce que c'est possible ? Essaye. Bah, je l'arrête et je lui dis mon petit pote, j'ai besoin d'enseignement, s'il vous plaît, en anglais. Tu vois que le gars, en fait, il te parle pas seulement. Par contre, il te tend un chapeau qu'il a sur la tête. Est-ce qu'il est rouge sang? Ouais. Est-ce qu'il est rouge sang? Est-ce que c'est un chapeau? Attends, il te tend un chapeau. Un chapeau haute forme. Il te montre. Il est vide. Je vais mettre un petit peu plus de musique. Je crois qu'il est un peu bas. Il ne parle pas. Tel un mime, tu veux. Il met son bras dedans. Et quand il ressort le bras, il n'a plus de bras droit. Son bras a disparu. Il pose le chapeau au sol. Et il va rentrer dedans. Pose, enfin rentre son bras gauche dedans. Arrête. Il enlève, il n'a plus de bras gauche. Te regarde toujours. Il déchausse ses bottes. Rentre maintenant sa jambe droite dans le chapeau. Dans le chapeau. Et tout comme le reste, il n'a plus de jambe droite. Il finit donc par la jambe gauche qui termine. Et vous voyez du coup le magicien qui s'effondre par terre. Et commence à faire un rire hystérique. Bah, je mets la tête dans le chapeau. Il demande juste à ce moment-là, juste avoir fini son rire, de demander à quelqu'un de lui récupérer ses membres à l'intérieur. Donc je suppose que. Tu vas te désigner, mon petit Peter ? Non. Tiens, c'était quel bras déjà ? C'était le bras droit ou le bras gauche qui était maudit ? Je suis pas là, moi. C'est le bras gauche que vous avez trouvé. Bah, j'ai placé mon bras gauche à l'intérieur. Mais pourquoi ? Eh bien, tu mets ta main dans le chapeau et ta main vient buter dans le fond et tu ne trouves rien du tout. Je ferme les yeux et je pense au pouvoir de l'amitié. Et rien ne se passe. Ouais, ok. Et cet homme continue à rire de façon hystérique. Bah, écoute, avec le plus grand des calmes, avec le plus grand des calmes, je mets son chapeau sur sa tête. Et je m'en vais. Okay. Oui, on peut s'éloigner, s'il vous plaît. Il fait peur, monsieur. Avec son chapeau sur la tête et vous quittez cet homme qui rit de façon hystérique. Et les gens, petit à petit, se détournent. J'ai le chapeau magique qui m'empêche de perdre la santé mentale. Hein, donc, Pourquoi c'est pas sur lui que j'ai envoyé la pierre ? Les gens se détournent de lui et vous continuez votre route. Ok. Donc, note à nous-mêmes ne pas parler aux gens, du coup. Sinon, il vous fait un tour de magie où il disparaît. C'est d'ici, en fait. Non, mais il faut qu'on trouve ce parchemin et il faut qu'on parte. De manière globale, on n'a pas trop de. Vous continuez donc à avancer dans cette rue qui n'en finit pas. Jusqu'à arriver à un moment où, au milieu de la rue, se tient une vieille femme. Devant elle, vous voyez un immense chaudron noir. Elle vous fait signe. Ça sent piège. De venir la voir. Bah non. Et pendant que vous êtes quasiment obligé de passer devant elle puisqu'elle est en plein milieu de la rue, et vous voyez que en ce chaudron, vous voyez qu'elle touille l'intérieur avec une grande cuillère géante, si je puis dire. Je trouve que ça va être un bras. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'on peut passer en l'ignorant très fortement ? Ah, tu peux essayer. À part ça va commencer à nous choper. Non, elle vous fait juste un signe. De toute façon, elle est au milieu de la rue, donc faut qu'on passe devant elle. Mais on peut essayer de bien regarder le ciel et. Qu'on peut faire, c'est. Oups, j'ai renversé votre chaudron sur vous, excusez-moi. Non. Attendez, madame. Donc tu... Ah, quoi que. Tu la. Mais pourquoi putain. Tu la regardes. Pourquoi agresser quelqu'un d'innocent. Les gens ici, ils sont vraiment tous innocents d'après toi. Mais je pense qu'il faut les ignorer. Je pense vraiment que si tu interagis avec elle, ça va mal tourner. Je vous aurais prévenu, Emilio. D'accord, on ignore. Moi. Bonjour, madame la sorcière. Elle te fait un signe de la tête. Avec un sourire édenté. Je mets 5 mètres entre moi et Peter. Comment vous appelez comment vous appelez-vous, gente dame? Elle te montre de la main ce qu'elle a, ce qu'il y a à l'intérieur de son chaudron. Est-ce que tu regardes? Non, je regarde pas. Tu bah non. Pas. Et toi, Emilio? Dès qu'elle a dit qu'elle avait un chaudron, j'hésite pas. Hein. Personne ne regarde? Bah non. Eh bien, soit vous passez. Vous voyez que elle ne vous fait rien du tout. Elle passez à côté d'elle, ne vous retient bon appétit, pas. Et... voilà. C'était le seul personnage gentil de l'histoire, tu sais. T'imagines? On l'arrête. Vous voyez que au bout d'un certain temps, vous ratez le tour de magie du siècle, les gars. Dit, ouais. Mais j'aime pas le tour de magie où c'est nous qui disparaissons dans les chaudrons, tu vois. Moi je vous ai dit, on balance le chaudron sur elle. Hein. Du coup, vous avancez un peu plus loin et cette fois-ci, vous voyez que la rue est jonchée de fleurs et de boutons dégageant des parfums capiteux. Alors, me dites pas ce que je sais pas du tout ce que ça veut dire capiteux, mais c'est des parfums capiteux. Bon, en gros, c'est je pense qu'il a un capital à la banque. Non, mais je pense que ça doit être des parfums très forts, très puissants. Puis monter la tête. Qui doivent pas être. Ouais, c'est une odeur très forte, virgule enivrant. Voilà. Donc j'étais dans le vrai. Donc vous voyez que ce sont des ailes. Ouais. C'est peut-être pour les vampires, ça, je connais. On est pas très bon public, Gassard, je trouve. Ah, mais toujours, moi. Et genre, vous allez tous me faire manger des ailes. Tu parles de l'ail comestible. Enfin. Oui. D'accord. Okay. Vous allez tous me faire un jet de toc, s'il vous plaît. Ah. Une compétence où je suis maître. Je suis pas folle, mais c'est bien dans ce JDR. C'est incroyable. Qu'il y a peut-être une part de c'est incroyable cette chance. Waouh. Bon, après, j'ai bon, quand même 3 chances sur 4 de réussir. Hein. Je vais pas te mentir. Ouais, ça va, moi aussi je passe 20. Bon, là, yes, là je ne fais pas de room, voilà, parce que bon, j'estime que vous êtes tous les trois, ça, voilà. Vous remarquez qu'il n'y a, malgré la présence de tout le monde, aucune ombre dans la, n'est visible dans la rue. Il y a le soleil. Il y a dans la rue, aucune ombre n'est visible dans la rue malgré la présence d'une lumière qui normalement devrait faire en sorte qu'il y ait des ombres. Et même les nôtres. Il n'y avait pas les ombres qui nous avaient attaqués. Même les vôtres. Aucune ombre n'est visible dans la rue. Dans le livre, il y avait écrit qu'ils avaient attaqué ces pauvres personnes qui étaient parties avant nous, là, George Banks et tous ces joyeux compagnons. Ah oui, c'est vrai. Orient Express. Hein. Oui. C'était pas dans le monde. Ah, mais là, ça veut dire ces ombres-là. Là, on n'a pas nos ombres. Nous, on a nos ombres? Non. Personne n'a d'ombre. Personne. D'accord. Bah, faut peut-être la retrouver, hein, parce que bon. Est-ce qu'on s'est fait ombre napping? Ombre nappé. Alors. Vous continuez à avancer, la cathédrale a l'air d'être toujours aussi lointaine qu'au début, malgré le fait que ça fait bien une heure que vous avancez. D'ailleurs, ce qui est assez bizarre, c'est que vous ne sentez pas la fatigue, Vous ne sentez aucune lourdeur. Ça fait une heure que vous marchez. En temps normal, on va dire que une heure de marche, ça fait mal aux pieds, ça fait mal aux jambes. Surtout que vous êtes sur un terrain, c'est de la terre, hein, littéralement. C'est pas droit. Il y a des trous, il y a des flaques d'eau. Enfin bref, mais vous avez aucune fatigue. Et vous arrivez du coup à un moment où la rue s'élargit, laissant la place à une place, littéralement. Vous voyez que à cet endroit-là, tout est calme. Malgré le fait que les gens passent comme si d'un coup, ils disparaissaient et que vous vous retrouviez seul sur cette place. Et vous voyez quelque chose d'assez troublant. Vous voyez un échiquier géant. De chaque côté de cet échiquier se trouve une statue blanche et une statue noire. Vous voyez que ce sont des statues qui sont humanoïdes, donc voilà, sont en forme d'être humain. Mais androgyne. On pourrait dire que c'est pas ni homme ni femme. C'est... Ah, y a pas de roi, y a pas de reine, quoi. Voilà, c'est comme si ils sont en dehors de l'échiquier, comme si ça représentait les joueurs, peut-être. Et vous voyez que les pions de cet échiquier sont littéralement des gens qui représentent les pions. Donc noir et blanc. Et que à chaque fois que la statue, le joueur noir ou le joueur blanc, demande à un pion de se déplacer et qu'ils viennent à se rencontrer, eh bien un véritable massacre se fait, puisque quand le pion prend le pas sur un autre pion, il égorge littéralement la personne. Et qui s'écroule sur le sol. Et vous voyez que la partie se joue à une vitesse folle. Et se répète en boucle. Et en faisant que vous voyez littéralement un charnier de pions. Mais des gens morts, égorgés, qui s'étalent sur le sol. Et vous allez me faire un petit jet de santé mentale, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question. Comment les statues dictent aux pions de faire ça? Yes. Vous comprenez pas trop ce qui se passe. C'est-à-dire, elle parle, elle pointe du doigt, ou on comme si... cavalier en E3. Comme si elle levait le bras, tu vois, et elle montrait une direction, et que le pion qui doit se déplacer le fait, comme s'il savait où il devait aller. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de son, il y a juste des gestes. Et cet horrible charnier, cette tuerie, ce massacre. D'ailleurs, Bitter, à la vue de tout ça, tu te retiens à ton ami Emilio, et tu ne peux retenir ton repas du midi qui vient se terminer sur les chausses de ton ami Emilio. Emilio qui te regarde avec dégoût. Je fais pas de santé mentale. Là, tu perds un point de santé mentale. Pourquoi c'est lui qui fait un échec et c'est moi qui prends? Pour les autres, Catherine, clairement, tu sais que... Enfin, tu t'es persuadé que tout ceci n'est qu'un rêve. Oui. Que... Je veux dire, des animaux morts, ça c'est non. Mais alors des gens qui meurent, ça va. Eh. C'est un rêve. Tout ce que vous avez eu jusqu'à présent est surréaliste. Il n'y a pas de raison que ça existe. Voilà. Et toi, ben, tu es du coup, Emilio, dans la continuité de ce qui s'est passé tout à l'heure. Et ça te conforte encore plus dans l'absurdité de la situation et le fait que c'est vraiment un rêve et que ces gens n'existent pas et ne sont pas morts. Par contre, toi, Peter, tu n'as pas pu arriver à cette... à cette pensée, enfin, je sais pas. À cette réflexion. À cette réflexion. Pour un américain. C'est pas le moment. Que faites-vous? Est-ce que vous quittez la salle ou vous regardez avec waouh, c'est beau. Bah, moi, vu que ça me choque pas tant que ça, en fait, j'essaie surtout de voir s'il joue les mêmes coups en boucle ou c'est vraiment une partie qui est en théorie du chaos, quoi, genre tout le temps que ça change. Différent de ce qui m'intéresse. Ouais. Savoir si c'est les mêmes trucs en boucle ou si c'est... Moi, je voulais voir si les statues avaient l'air plus organiques ou vraiment ça avait l'air d'être de la pierre dure. Mais en fait, c'est à la fois... c'est rigide. Mais... je sais pas, c'est comme si la pierre pouvait avoir une espèce de mouvement malgré tout. Quelque chose de fluide, sans casser, mais tu sens que si tu te rapproches d'eux, tu sens que c'est comme du marbre, mais du marbre vivant qui se déplace en fait, qui peut se mouvoir. C'est dans l'esprit de ce qui se passe depuis le début. Hein, c'est pour toi, c'est dire ouais, c'est un rêve, tout est possible quoi. J'ai envie de les pourfendre avec mon épée. Je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée. Je pense pas que c'est une bonne idée. Bah essaye ma foi. Le MJ qui dit essaye, il le fait pas. Non. Tu sais, t'as la petite voix qui te dit essaye. Bah là tu le fais par pas. Par contre, Gossed, après avoir perdu connaissance au choc de voir des personnes se faire décapiter, est-ce que la cathédrale, j'avais une question, est-ce qu'elle ressemble à la cathédrale de Lausanne qu'on n'a pas visitée avec le français? Oh, excellente question. C'est la cathédrale de Lausanne. En fait, là, on est en train de se diriger du coup vers la cathédrale de Lausanne. Exactement. Ça veut dire que là, en chemin, on devrait tomber sur pas mal de trucs. C'est-à-dire qu'on bouge, je pense, pour ma part, je pense que là, on est en train de bouger, en fait, nos corps. Et que c'est juste des hallucinations style trip à l'opium. Vous ne savez pas. Vous n'avez en soi aucune réelle... aucun savoir par rapport à ce monde et à ce que vous êtes en train de vivre. Alors certes, peut-être qu'au même moment où vos corps se déplacent dans cet endroit même, peut-être que votre corps réel se déplace. Mais vous n'en avez aucune certitude. Ouais. Normalement, je pense que Nelson nous aurait empêchés. Ouais. C'est exactement ce que j'allais dire. Et moi, ce qui me semble bizarre aussi, c'est que, en fait, tout l'attirail qu'il avait, Monsieur Willington, c'est ça? Willington. Il avait tout l'attirail en fait pour se piquer avec ce produit-là. Ouais. En fait. Nous, on l'a ingéré, on l'a bu. Donc. Techniquement... Ah, tu crois qu'on en a trop pris? Genre, on s'est trompé de méthode? Non, justement, on en a pas. Normalement, quand tu. J'en ai trop pris, gros. Faut être piqué pour ressortir plus les choses, normalement. Après, en même temps, ouais. Catherine a vu et a récupéré un flacon de morphine vide et une seringue. Donc il se serait suicidé avec la morphine. Tu as vu, Catherine, qu'il y avait plusieurs piqûres de morphine, enfin plusieurs piqûres dans le bras. Putain, j'aurais dû regarder quand Emilio est parti s'il avait l'air mort ou juste endormi. Ouais. Voilà, pour voir si... Parce que si ça prouve, il est encore là, en fait. On n'a pas vérifié. Mais peut-être en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'il a pris la dose du truc. Du moins, il s'est piqué et ensuite, il a pris la dose. Il s'est endormi, du coup, son esprit est allé dans la Lausanne du rêve. Mais son corps est mort dû à la surdose. Ce qui veut dire qu'il est bloqué dans la Lausanne du rêve avec le document. Parce qu'on ne l'a pas trouvé, hein. Enfin, On a un peu cherché, mais on l'a pas trouvé dans le bâtiment. C'est-à-dire, donc, en fait, notre objectif, ça devrait être de le trouver. Si on cherche différemment, si on sait qu'on doit le chercher, il y a peut-être moyen qu'on arrive... Mmh. Cherchons ce fameux... Tac. Et où est-ce qu'il irait, lui ? Il essaierait peut-être d'aller directement, je sais pas, au café où il nous avait donné rendez-vous, peut-être ? Mais oui, t'as raison, il ira au café, au 19h30. Mais oui, allons-y. Alors, juste avant, je vous coupe, avant que vous soyez machin. Vous voyez que au final, le joueur noir l'emporte. Triomphe du joueur blanc. Et vous voyez que, après, une fois avoir gagné, dernier se lézarde et tombe en morceaux avec un bruit. Assez. Enfin, tu sais, comme si un truc venait de dur à cendre, d'un coup. Et à ce moment-là, vous voyez la statue noire qui tourne lentement. Oh, fuyons. Attends, je vais le faire comme ça. Sa tête vers vous. Mais Peter, arrête. Mais attends, mais il va nous faire nous battre aux échecs, on va mourir. Mais comment tu veux qu'il fasse? Il a pas de jambes. Vous savez que je suis quand même champion d'échecs régional aux États-Unis. Que faites-vous? Oui. Mais attends, c'était pas c'était pas l'autre personne dans l'Orient Express? Oui, c'est ça. Non, ça c'est autre chose. mais non, mais on se casse, on joue pas avec lui. Attends. On a rien à perdre à jouer aux échecs. Bah, si, tu vois bien que le perdant il meurt. Alors, ouais, mais si. Non, honnêtement. Vas-y, tout alors. La réflexion. Franchement, c'est pas grave, j'ai droit à plusieurs vies. On est dans un jeu vidéo. Si je perds, je reprends ma deuxième vie. J'ai une save au départ. J'ai eu le checkpoint là avec le truc qui tourne. Non, mais vas-y, Peter, je crois en toi. Je suis sûr que tu vas réussir à le. Vas-y. Mais juste, on est d'accord que le joueur blanc, on le reconnaît pas. Ah, bah le joueur blanc a disparu. Il est en cendres et c'était mais le temps qu'on l'a regardé. Le joueur noir, pardon, on le reconnaît pas. Ah non, c'est un visage quelconque. Il n'a pas de visage. Mais pour passer justement, aller plus loin vers les cathédrales, il faut battre ce joueur. On est d'accord. Ah, vous voyez que si vous essayez de. Il n'y a rien qui vous empêche de continuer votre route. Vous ne savez pas. La rue continue après la place, en fait. C'est comme si vous traversiez la place et que il faut réussir une des rencontres qu'on fait là depuis le début pour avoir droit d'arriver à la cathédrale. C'est ça que vous êtes en train de dire, Peter. Oh non. Que sinon, on va boucler à l'infini sur des gens encore plus étranges que ça. C'est un genre sans fin. C'est pas ce que je dis. Moi, je dis juste qu'on est dans un rêve et qu'on n'y perd rien à faire une partie d'échecs dans un rêve. Surtout si vous jouez les pions, vous deux. Bon, allez, je me casse. Je joue jamais les pions, moi. Oh, il manque 4 cavaliers et une tour. Oh, bah, quel dommage. Moi, franchement, je commence à regarder bizarrement Peter. Je pense que il a sa santé mentale qui baisse beaucoup trop rapidement ici. J'ai perdu un de santé mentale depuis le début de l'aventure. Hein. Ah, je ne parle pas de règles, je parle en impression en tant que personnage vivant dans le monde. J'ai l'impression que Peter va devenir fou. Donc, je pense que c'est l'eau douce qui me fait cet effet. Ouais, il a pris trop de Lausanne onirique. En fait, non, mais Peter, je pensais pouvoir gagner, moi. Allez-y. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi on fait un rêve commun où il y a une partie d'échecs et je me sens d'attaque. Même produit en fait. Bah, MJ, est-ce qu'on a le droit de faire un jet pour voir si on est fort en jeu d'échecs? Je sais pas s'il y a un truc qui correspond à ça. Je connais pas le système. Ouais, j'ai la compétence en jeu d'échecs. Parce que si on est tous nuls, je refuse. S'il y a moyen qu'on s'en sorte, Je veux bien laisser le bénéfice du doute à Peter avec beaucoup de peur, mais... Mais je pense que ça doit être des jets d'éducation ou d'intelligence. Pour... Ouais, ce serait plus de l'intelligence, on va dire. Mais le problème, c'est que tu peux être intelligent et être mauvais aux échecs parce que tu connais pas les échecs. C'est pour ça que je pensais plus à de l'éducation. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, j'ai pas prévu... De faire une partie d'échecs. Ah, il a pas prévu, ah, c'est merde. Bon, partons. Non, non, mais moi j'aurais plus vu de l'éducation vu qu'en fait on t'apprend en fait à jouer. Ouais, c'est une question d'éducation. Bah, en fait, l'éducation, entre guillemets, c'est aussi la somme des connaissances que tu peux avoir. Donc, les échecs. Ouais. Moi je trouve ça cool. Après, c'est plus intellectuel les échecs que l'éducation. Mm. Tu peux avoir les connaissances du jeu d'échecs, mais tu peux pas être assez bon pour avoir genre 50 coups d'avance. Dites-moi simplement, est-ce que vous voulez jouer ou pas ? Non, non. Dites-moi, est-ce que vous voulez jouer ou pas ? Ou passer votre chemin, ou essayer de passer votre chemin et voir ce qui se passe. Alors moi je vote contre, mais je peux suivre si le groupe va dans l'autre sens. En fait, j'ai pas de voix. Prendre une décision. Toi, la démocratie, ça s'explique quoi, c'est vraiment. Voilà, je vous laisse. Vous avez 10 secondes. Peter, pour est-ce choisir que vous êtes si vous jouez. À partir de maintenant, vous avez 10 secondes pour choisir si vous jouez ou pas. Vas-y, toi, je joue. Je joue. Ok, bon, on ça te soutient. Ça fait 2 secondes. On te soutient, oui. Okay. On sera derrière toi en mode. Ah non, j'aurais pas fait ça. On est les amis de Sacha dans Pokémon, tu vois, on est à côté, on fait. C'est bien, Sacha. Tu viens donc te placer en face du joueur noir qui où se tenait avant ça le joueur blanc. Et le joueur noir te refait face avec son mouvement de tête tout en lenteur et tel un exorciste de voilà. Seulement des personnes des gens qui étaient là viennent se placer sur les cases de l'échiquier et dès qu'elles mettent le pied sur l'échiquier se transforment quelque peu en pion. Vous Catherine et toi Emilio, vous étiez en train de regarder de côté. Au moment où vous réalisez que vous vous retrouvez sur l'échiquier. Non. Salopard. Catherine. J'aurais ta peau. Catherine étant devenue la reine. Ah. Et Emilio, t'es quoi comme pion ? Le roi. Non, mais non ! Putain ! Oui. Eh, mais attends, si je me souviens bien, Harry Potter, à un moment, on peut sacrifier le roi pour sauver la reine, un truc comme ça. Non. Dans quoi t'as fumé là ? C'est l'inverse. Je connais pas en vrai les échecs donc. Enfin, il y a un des deux qui est sacrifiable. J'espère que c'est pas moi. Je vous laisse donc. Je te laisse du coup, Xen. Bon, je vais faire un brainstorming avec les deux pièces. Du coup, vous êtes des pièces. Oui. En toute logique, je vais essayer de faire en sorte de jamais te sacrifier, Catherine. Par contre, Emilio, j'aimerais que tu m'en veux pas. Hein. Je suis le roi, si je meurs, tu meurs aussi. Hein. C'est pas faux. Mais tu m'en veux pas. Hein. Par contre, Catherine, je pense que au vu de la partie sanglante qui s'annonce, il est certain que la reine aura du sale boulot à faire. Alors, j'ai mon arme et j'avais pas regardé jusque-là, mais mon petit pistolet, c'est devenu une dague ou une épée courte ? Je pense que c'est devenu un poignard avec une lame ensanglantée, empoisonnée. C'est une dague ! Je suis d'accord. C'est une rapière. Alors, Ezralia, en fait, Landa, là où je redoute. Tu n'as pas loupé la partie, ils n'ont pas commencé. Hein. Juste une aparté. Parce qu'il avait peur, là il avait craché sur PC. J'ai quand même un certain recul, c'est que l'un d'entre vous va tuer d'autres pions, en fait. Et vous savez que c'est des gens. Et je vous... je sais pas comment vous allez vous débrouiller, mais... Ça va pas être ma première fois. Alors, peut-être moi, pour toi, mais pour Catherine. J'ai pas envie de mourir, en fait. Mais non, ouais, effectivement, je ne suis pas habitué à tuer des gens. Vous voyez que le premier pion du joueur noir s'avance. Mais attends, c'est au bloc commencé. Qu'est-ce qu'il fout, ce noir? Non, vous mettez trop de temps, il a avancé quand même. On s'en fout, on est dans okay, un rêve. Bah, ça, c'est interdit, ça, c'est interdit. Il a perdu, on a gagné. Voilà. Les lois de, ouais. Les lois de sont différentes dans les rêves. Ok, je vais prendre ma place au-dessus blanche, et je vais commencer à annoncer les pièces. Tu vois que tu n'as pas besoin réellement de parler. Tu n'as juste à penser la chose et à montrer pour que le pion fasse ce que tu veux faire en fait. Donc tu vas me faire, on va un peu bidouiller. Un jet d'intelligence. Tu as combien d'intelligence? C'est quoi le maximum? 70. Ok. Ça va. Alors, ce qui va se passer, vu que je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne, ça va être un jet d'opposition. Tous les deux, donc toi et le joueur noir, on va faire un jet d'opposition. Et tous les deux, vous avez 70 en intelligence. Celui qui fera le meilleur des deux remporte du coup les premiers mouvements de jeu. Ok, on fait comme ça? On l'a fait comme ça ou pas? Ok. Ok. Ok. Respirez. C'est pas comme si j'ai fait un 91 et un 97 en deux jets. Mais justement, t'as évacué les mauvais. Non. Pas du tout. Ouais, non, franchement. Attends, il a fait combien? J'ai pas eu. 95. Oh putain. On peut annuler? Non. On peut partir quoi? Oh merde. Oh non. Alors, mais c'est nous. Ce qui se passe, c'est que tu avances ton pion. Il avance le sien. Et pour l'instant, personne ne gagne. Il se passe rien. J'ai dit, vous avez tous les deux 70. Il peut aussi louper son jet, hein. Bon ben, moi je mets mes fiches pour mes prochains personnages. Alors, on continue? Malheureusement. Respirez, c'est de la clé. Oui, c'est bien ça, c'est un succès extrême. Bibin, en fait, je l'ai piégé depuis le début. Enfin, tu vois que il avance son cavalier et tu viens grâce à ta tour. Je sais pas du tout jouer aux échecs. Enfin, je sais, mais je vois pas du tout comment sont placés les échecs. Plutôt parce que la tour, elle reste généralement dans ton oui, camp. Oui, elle reste dans sa ligne, mais où le cavalier, est-ce qu'il peut se retrouver dans le couloir? Non, on va pas faire comme ça. On va faire. Il avance son cavalier et grâce à un pion que t'es là, qui savait pas quoi foutre, et ben tu vois que ton pion vient littéralement trancher les pattes du cavalier et lui trancher la gorge, la tête tombe. Ah, je suis content de moi. Là, je dis à mes camarades, bon, ça vient se passer. Je maîtrise la situation. Restez calme, juste faites ce que je vous dis. Vas-y. Attention, on n'a pas trop le choix. Hein. Donc, Emilio, tu dois te sacrifier. Je suis le roi, merde. Tu dois servir d'appât. C'est bon, le gars, là, ça c'est pas jouer aux échecs. Oui, c'est pas joué. J'utilise 9 points de chance. Bon, mais ça sert à rien. Ah oui, c'est un jet d'opposition. Le pion qui, malheureusement, avait fait des miracles en se débarrassant du cavalier, vient d'être égorgé également par un autre pion de la statue en face de vous. Tout se passe bien. Vous voyez que même si ce visage est sans visage particulier, qu'un léger sourire vient Albatar se mettre et sur perdu un cavalier agrémenté. À l'instant, voilà. Pion, je suis désolé. Hein. Il va pas être content. Donc on va accélérer un petit peu la partie. Bon, on fera plusieurs moves sur les prochains. Parce que sinon, quand il y a plusieurs moves, tu fais un très bon geste, s'il te plaît. Je te laisse faire en premier. Ah, c'est gentil ça. Ça va. C'est bien. Tu lis absolument de façon magistrale les coups de la statue et viens te débarrasser d'une tour, de son deuxième cavalier et d'un pion. C'est bien. Pour l'instant, tout se déroule pas si mal. Elle renvoie la pièce, la monnaie de la pièce, si je peux dire, en se débarrassant à son tour d'un fou, d'un cavalier et d'un autre pion. La partie est assez serrée. Tu sens que elle essaye de placer des pions. De telle manière à mettre en difficulté ta reine et ouais. Pour prendre après à revers peut-être sur ton roi. Et pour l'instant, je vais t'utiliser Catherine. Pour l'instant, tu tiens pas si mal que ça. C'est un peu le statu quo. De toute façon, je peux pas. Échec et mat. Oui, échec et mat. Allez, qu'est-ce que tu vas faire, putain? Alors, je dois te dire que tu fais 1, c'est beau. Je vais juste te donner le score de ce qu'il fait lui. Même si au final, tu gagneras quand même sur cette manche, puisqu'il a fait 8. Donc tu as été bien inspiré de faire 1. ce qui se passe, c'est que tu arrives à échafauder assez rapidement une stratégie et tu te rappelles d'un coup que tu avais appris à l'époque ton grand-père qui était assez doué en échecs. Tu te rappelles de ce fameux coup du berger, ce qui permettait d'attirer en fait à toi la reine et de d'attaquer en traverse par un fou et qui venait terminer sur un déplacement de tour pour mettre en échec le roi. Berger qui fait éclater les yeux et il sonne un coup de latte. C'est ce que tu fais à la perfection. La statue ne voit pas le truc venir et se retrouve maintenant en échec. Si tu réussis, je m'avance et si tu réussis le prochain jet, tu gagnes la partie. Malheureusement pour toi, la statue a trouvé une petite parade pour protéger son roi. Elle arrive à prendre un de tes fous, se place légèrement de telle manière à ce que ta reine est exposée. Si tu ne te débrouilles pas bien, tu pourrais perdre ta reine. Sur un G, Catherine peut perdre sa tête. Ouais, merci, Peter. Ouais. Bon, écoute, Non. Ah, je peux faire des esquives chance. Après. J'utilise des points de chance, j'ai des esquives. Oui, j'ai des esquives, moi, là. Je ne peux pas me faire avoir. Hugo 7, j'utilise des points de chance. Alors, malheureusement pour toi, c'est un jet d'opposition, et malgré le fait que tu utilises des points de chance, ce ne sera pas suffisant pour remporter cette manche. La statue vient à poser un fou qui traînait dans le coin. Et alors qu'elle pouvait amplement prendre la tête de la reine, joue le tout pour le tout. Déplace sa tour et met en échec le roi. Si c'est pas mieux, enfin, je sais pas si tu ne réussis pas le prochain jet, tu perds. On meurt tous. Soit le roi, soit la reine. Mais ce n'est pas un échec et mat, donc tu survis. Donc tu es en échec. Non, c'est pas un échec et mat. Tu es en échec. Allez. Oh, non. Genki Gama. Prends ma puissance. Ok, on a une chance sur deux. Une chance sur deux. Tu as fait 55. Puis jouer mon prochain perso. La statue a fait 55. Quoi? Et je... c'est un pat, c'est un échec nul, un pat. C'est un draw. Donc la situation en gros est toujours la même, malgré le fait que tu déplaces un pion. Elle vient positionner de telle manière pour que on soit toujours dans le dans la même situation. Est-ce que vous voyez le même où le mec il est en train de piloter un avion et il est en train de transpirer oui. tellement qu'il y a du fluide oui. qui tombe comme oui. ça. Je suis comme ça parce que j'essaie de sauver mes pièces quoi. Allez, je pas te tes laisse... habits, tes pièces. Merci. Je te laisse tirer le jet. Non. Nous sommes toujours dans la même situation. On peut pas jouer ça sur un simple jet de dé, c'est horrible. Oui, et là, j'ai envie de te dire Catherine sur 99. Sur ce jet de dé. Ta gueule. Pourrait décider de beaucoup sur l'aventure. Est-ce que vous me faites confiance, Catherine? Je n'ai guère le choix dans tous les cas. On a toujours le choix. Peter. Si je meurs, tu meurs. On a toujours le choix. J'ai fait un 0-1. J'ai perdu toute ma chance là-dessus. Mais oui. Mais en plus, un 0-1, putain, ça fait chier. La tension est à son comble. Les cloches continuent. Pang. Pang. La statue noire commence à tendre son bras pour déplacer ses pions en attendant de voir ce que tu vas faire puisque c'est à toi de jouer. C'est à ce moment-là que tu décides de faire un mouvement assez osé. Tu mets, comment dirais-je, un pion qui te permet de à la fois mettre en échec de l'autre côté, mais qui peut aussi empêcher, enfin, comment dire ça, ah, c'est dur là de trouver une Non, je vais faire autrement. Dame, je vais faire autrement. Tu décides de jouer un coup compliqué, qui va faire que tu n'avais pas forcément vu cette ouverture tout à l'heure. Tu étais tellement pris par le stress et par l'enjeu de peut-être perdre tes amis, ou en perdre au moins un ou une. Du coup, tu décides de déplacer ta reine et je dois t'apprendre à partir. En plus, sa musique est tellement dramatique. Oui. L'ouverture que n'avait pas forcément, l'erreur qu'avait pas forcément fait, qu'avait fait la statue, et de laisser la pièce qui mettait en échec le roi à découvert. Tu décides donc de déplacer ta reine, et cette reine vient trancher la gorge de la pièce qui mettait en échec le roi. Tu as un sursis. La statue a fait une erreur impardonnable. Elle n'aurait pas dû faire ce mouvement qui lui a coûté peut-être la partie. Nous ne savons pas. Pour l'instant, tu as sauvé tes amis. Mais la partie n'est pas finie. C'est insoutenable. Et pour qu'on aille un peu plus vite, je te propose de jouer cette partie sur le prochain jet. Non, je refuse. Il faut l'arracher. Celui qui remportera ce jet gagnera la partie. J'ai refusé. Je ne peux pas perdre ni ma vie, ni celle de Peter, ni celle d'Emilio. Vas-y, je te laisse tirer le dé parce que là j'étais pas présent quand j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu, je te laisse tirer. Je suis sympa. Je suis sympa, je te laisse une chance. Ok, faut garder ce jeu. C'est le point de destin. C'est le point de destin. Voilà. En fait, c'est la relance. Il m'autorise à faire la relance. C'est vrai que tu peux relancer le dé, c'est vrai. Je vais relancer. Et là, les gars, si j'en rate. Tu fais 95 et. Je pense qu'on est bon pour faire nos autres perso, quoi. On fera du donjon et dragon là. Sans regret, parce qu'en vrai, c'est une belle fin. Je trouve ça magnifique. En vrai, perdre sur un jeu d'échecs, c'est un peu chiant. Surtout pour un acteur. Bon, allez, c'était une belle aventure. Je pense que Nelson sera content d'être tout seul. Moi j'essaye tout pour vous aider et voilà, tu me fais les 91 quoi, sérieux. Bon, apparemment t'avais pas vu le dernier jet, je veux bien faire une relance. On garde le 73 en fait. Bon, je vais lancer de mon côté. 73. Je suis foyable les gars. Bah, j'ai lancé... en vrai, t'aurais dû me laisser la partie sur le 0-1 et comme ça, t'étais sûr que c'est... Ouais, mais en fait, je pensais vraiment que t'allais au moins pouvoir réussir à faire c'est de l'aléatoire sur du décent, hein, faut savoir ce que tu fais. Non, mais on a vraiment raté. Peter, là, aucun regret, je te demande juste de t'excuser avant que je meure, c'est tout. Vous voyez, du coup. Tu avoues ton amour à Catherine quand même. Vous voyez donc un sourire immense. Se matérialiser sur la statue. Un des pions s'approche doucement de Catherine. Ah, le son épée se lève. Le bras commence à décrire une courbe en arc. Je m'interpose. Tu ne peux pas bouger. Je tente le. Tu ne peux pas bouger. Catherine ! Non ! Tu essayes, mais tu ne peux pas bouger. Et il en va de même pour toi, Emilio. Tu essayes de bouger, mais rien ne se passe. Vous voyez la lame qui vient décrire un arc de cercle. Et au moment où elle va te trancher la gorge, Catherine, parce que c'est ce qui va se passer. Pardon. La statue noire vole en éclats et tombe en poussière. Le pion. Ah, j'étais sûr que mon plan marcherait. Allez, te frapper, Catherine. Ne finit pas son geste et tombe inanimé au sol. L'échiquier disparaît. Vous êtes de retour dans cette rue avec des gens qui passent, mais la scène a changé. C'est tout autre. vous remarquez que au milieu de cette place, il y a une immense statue. À l'effigie de Peter. Une immense statue. Elle est, fais-moi peut-être 20 mètres de haut. Elle est faite de fils de fer. Où vous avez l'air de voir qui est dessus. Il y a des espèces de haillons qui l'habillent. Et en vous approchant un peu plus près de cette statue immense, vous remarquez que cette statue a une espèce de forme humaine. Catherine, calme-toi. Pardon. C'est l'émotion. Et que du coup, c'est une armature en fer et que les haillons sont en fait des morceaux de chair embrochés sur des barbelés et des crochets. Vous allez me faire un petit jet de San, s'il vous plaît. En sachant que Catherine, avec l'émotion que tu as eue juste avant, ton jet de San peut être un peu plus corsé que les autres. J'ai réussi à 9 près. Pourquoi tu mets 49, Peter? Parce que c'était son jet d'au-dessus, je pense qu'il a dû cliquer sur le texte. Ah, d'accord. Eh bien, il faut croire que vous commencez à vous habituer à ce monde des rêves et que la vue de tout ça commence à être digérée et que vous vous persuadez de plus en plus que ceci n'est qu'un rêve et que tout ce que vous voyez n'est pas vrai. D'ailleurs, Catherine n'est-elle... elle est toujours en vie. Elle aurait dû mourir. Et... Vous savez bien, Catherine ? Je vais... Oui, je suis en vie, c'est le plus important. Je n'ai pas... Vous avez gagné, Peter ? Non. D'accord. J'ai vu la tour vous prendre la tête. Moi, je ne l'ai pas vu. C'était la fin. Elle s'est arrêtée avant. Moi aussi, elle s'est arrêtée avant. Je m'excuse de... J'étais un peu prétentieux. Une erreur... C'était une véritable erreur de vouloir jouer. Je savais que vous perdez. Je savais pas le prix que j'allais perdre sur cette partie. Je pensais que j'étais le seul affecté. Mais vous étiez de la partie apparemment. Et ça, ce n'était pas dans ce que j'appellerais le contrat. Je ne sais pas comment m'excuser, Catherine. Et Emilio aussi. À cause de moi, vous auriez pu y rester. Pour un simple caprice. Vous, après quelques instants, tout en regardant cette statue immense, vous entendez un chant d'une pureté, mais comme jamais vous l'avez entendu. Ah, peut-être si, une fois. Une voix parfaite. Ah non. Vous voyez que tous ceux qui l'écoutent et vous-même, sans vous en rendre compte, vous avez les larmes aux yeux. Vous êtes en pleurs. C'est la femme italienne dont je n'ai pas le nom sous les yeux. La chanteuse. Oui, tout à fait, la chanteuse d'opéra. Attends, je tourne mes pages très rapidement pour tourner aussi son avant. Attends, c'était pas cette session. C'est Catherine qui dit « Attends, c'était pas cette session. Voilà. » Attends, c'était pas celle-là. Non, mais j'ai fait l'erreur d'avoir tous mes jeux de rôle dans le même carnet. Et c'est très chiant, en fait. Pour... Cardonara. C'est Katrina Cardonara. Ah oui. Là, ouais. Catherine est pas sûre, là. Alors, j'ai Katarina, mais j'ai pas le même nom de famille que toi. Alors, dis-nous le nom que tu as. Ouais, mais moi j'ai pas confiance en. Non, vas-y, non, dis-nous le nom. Bah, moi j'ai un truc qui ressemble à. Alors attendez, faut que j'arrive à me lire. Hein. Je sais pas si c'est un A ou un O en fait, c'est ça le problème. Cavaralo ou quelque chose comme ça. Oui, c'est plus. Tu es plus proche de la réalité que. Ah. Carbonara. Ah. Carbonara. Cavorallo. Cavarallo. Cavorallo. Ouais, c'est ça. C'est quoi? Cavallero. Cavallero. Cavallero. Oh putain. Ce que j'ai pris pour un T, cavalier. En fait, un A et un L. Okay. Cavallero. Attends. Je pense qu'il y en a certains dans le chat, ils aiment les carbonara, les... donc c'est plutôt bien, tu vois, on peut changer. Cardonara. Cavallero. C'est là que viennent le nom d'ailleurs de cette candidatrice. Mm. Toi. D'accord. Du coup, vous êtes en pleurs et vous pleurez tellement que vous vous sentez comme si si vous restez comme si plus on avait longtemps. Touché les oignons, quoi. Si vous restez plus longtemps sur cette place, vous allez avoir le cœur brisé, littéralement. Partons. La tête coupe. Mais oui, partons. Allons 19h30 et arrêtons d'écouter Peter. Vous partez donc. Je vous propose Catherine. Le son des cloches s'intensifie. Et je suis d'accord. Vous avancez et... Ça y est. Vous avez atteint la grande place de la cathédrale. Enfin, vous avez enfin atteint votre objectif de départ. Et vous voyez une marée humaine devant la place, devant la cathédrale. Vous voyez que au milieu de cette place se tient une large plateforme. Vous voyez trois silhouettes. Vous voyez une statue de bronze, premièrement. Pas encore une statue. Que vous reconnaissez. Puisque c'est une statue que vous avez, dont vous avez parlé le duc. Qui était la statue de Otton de Grandson, une statue en bronze qui était du coup sur la cathédrale. Elle est présente sur cette estrade. Vous voyez une personne dissimulée sous une robe à capuche. Et la troisième personne, la troisième personne n'est autre qu'Edgar Wellington. Attends, quoi, qui Edgar Wellington, mais attends. Le gérant de la boutique. Attends, mais pourquoi il est en statue de... Qu'est-ce qui se passe? Non, il est pas en statue. Il est réel. Enfin, il est. En fait, il y a une statue, une oui, personne encapuchonnée dans une robe, et Edgar Wellington, qui lui est menotté. Ah mince. Dès... Il va te faire exécuter, lui. Vous voyez que la foule est pleine de haine, haineuse. Vous entendez un son qui émane de cette foule, genre qui a comme si la haine se dirigeait directement sur Edgar Wellington, comme si les gens le détestaient, comme si c'était le pire des gars du monde, de la terre entière. Comme si, enfin, ils voulaient, si tu le lâchais au milieu, ils le tueraient direct sur l'instant, quoi. Ça crie dans tous les sens, des injures envers lui et tout. Et d'un coup, vous voyez que l'individu encapuchonné lève le bras. La foule se tait. Mais un silence total. Les cloches se sont arrêtées. Et il se met à parler. Si j'arrive à parler. Quand il commence à s'exprimer, vous réalisez que cette voix vous est familière. C'est le baron. L'homme qui se tient devant vous est l'objet de graves accusations. Son refus criminel de nous céder notre dû fait de lui notre ennemi. Il faut donc le juger en tant que tel. Il enlève sa capuche et vous reconnaissez le duc. En tant que prince et protecteur de ce royaume, je serai le représentant judiciaire du peuple de Lausanne. Et je m'assurerai que ce vaurien reçoive la punition qu'il mérite. Vous voyez qu'à ces mots, la foule rugit et approuve ces dires. Et vous voyez, salaud, qu'on le bute, il faut lui couper la tête. Quelqu'un souhaite-t-il défendre le criminel dans cette affaire? Et là, vous voyez que plus personne. Quoi, encore moi? Honnêtement, je suis presque sûr que affronter la foule n'est pas une bonne idée. Non, mais... La foule en colère, mais... tout le monde sait. En fait, non, on là, peut la demander... foule, c'est tu, il n'y a... Tu t'entendrais les mouches voler, quoi. Vraiment. Bien sûr. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si on le défend, on le défend... Vous voyez le duc qui scrute la foule de droite à gauche, de gauche à droite. On peut juste demander à Edgar où est le parchemin et on part avec. Hein. Je vais vouloir qu'on nous le tire. Mais il va mourir. Alors, l'aider, hein. Mais j'aimerais bien, mais j'ai un peu peur. J'avoue que j'ai un peu couard. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez... Moi, j'ai déjà eu mon lot avec les échecs. Vous avez 10 secondes pour agir. Bon, pas on y va. En éloquence, mais oui, il faut mieux y aller parce que comment on peut l'approcher si on. Il n'y a que lui qui sait où il est caché. Non, plus je suis bon en éloquence et je pense pouvoir le défendre, mais. Ben voilà, on y va. Bah, on peut y aller à 3 en fait, hein, autant oui. qu'on. Ok, c'est bon, alors c'est acté. Donc on lève tous les 3 la main. voyez, vous levez la main. Lève la main, Emilio. Emilio et la foule, tout le monde se retourne vers vous. Vous jette un regard, de méchanceté. Mais ils ne vous font rien. Et vous voyez que la foule s'ouvre. Je suis Moïse, et vous invite à vous rendre au pied de la plateforme. Vous avancez donc sous les regards haineux de cette foule. Vous voyez, vous entendez des sifflets, des insultes. Vous voyez donc le regard du prince qui a un sourcil de, qui lève un sourcil de surprise. Puis vous voyez qu'il acquiesce. Faites-moi un jet de psychologie. Oui, merci. Je pense que j'ai un psychologie. Hein. Psychologie. Ah non, putain, mais fais chier, pour une fois j'ai des points. J'utilise un point de chance. Oh, mais c'est bien ça. Du coup, j'ai réussi. Putain, mais Peter, qu'est-ce qu'on ferait sans vous? On serait pas mort. On serait en vie. Allez, on va en faire un petit peu, je vous reprends tout de suite. Ça va pas aller. Si moi je me déplace, ça va pas aller. Peter ? Ah, je me déplace pas. Ok. Non, c'est toi qui as réussi, non ? Oui. Tu vois que même s'il acquiesce et que il essaye d'avoir un visage indifférent, tu te rends compte qu'il est furieux intérieurement et que ça le rend dingue, ça le rend fou que quelqu'un ose s'opposer à lui. S'il pouvait avoir quelqu'un. Voilà. Il se tourne donc vers la foule et dit: l'un d'entre vous souhaite-t-il s'offrir à la justice? Et là, vous voyez qu'aussitôt, les premières rangées de la foule s'agitent. Ils se scrutent les uns les autres. Donc vous n'êtes pas à ce moment-là, vous êtes au niveau de l'estrade. Hein. Et à un moment donné, ils pointent tous du doigt une personne. Ils se jettent sur cette personne, le battent à mort. Vous entendez des bruits horribles. C'est vraiment comme si le dépiotait avec une foule dépiotait. Il y a des bruits atroces qui montent de la mêlée. Et vous voyez un homme après qui se dirige vers l'estrade en tenant une peau la peau de cet homme ensanglantée. Vous allez me faire un jet de ça. Je pense que t'es pas bien quand même, quoi qu'il arrive derrière. Oh non, mais de peu, fais chier. Là, la partie d'échec, c'était une partie de plaisir. Moi, je suis... je note, je suis un peu pas bien, ça va. Alors... Pardon. Alors, juste comme ça, si tu dépasses de 5 la perte dans cette session, tu gagnes une folie passagère. Tu avais perdu combien? J'ai perdu qu'un point. T'as un point pour l'instant? Oui, j'ai perdu qu'un point. Ça va peut-être changer. Ouais, je vais perdre 2. Tu vas faire 10 points. Ceux qui ont réussi, ouais. Vous êtes vraiment pas bien. Clairement, c'est une vision d'horreur, même si vous avez vous êtes mis dans l'idée que c'était un rêve. Là, ça vous fait un peu vaciller quand même. Hein. C'est quand même un rêve super réaliste. D'autant plus que vous avez vu le duc, vous voyez Edgar, tout commence un peu à se remettre, à s'imbriquer comme il faut. Les odeurs, vous étiez en première ligne, vous voyez les gens dépiauter le type et tout. Vous sentez extrêmement mal et donc vous perdez tous les deux 2 points de santé mentale. What? C'est un jet qu'on peut pas réussir. De ton côté, Catherine, tu es ramenée à la réalité et tu réalises que non, c'est peut-être pas un rêve là. Là, c'est pas possible. Tu réalises l'ampleur du truc et tu dis non. Tout ce qui s'est passé avant, c'est vrai. Ce qui se passe maintenant, c'est vrai. Le duc, Edgar, cet homme qu'on vient de lui arracher la peau. Tu tombes au sol. Tu te prends la tête dans les mains. Et... tu commences un petit peu à essayer de te balancer, de tu as un petit peu le syndrome de l'hôpital, tu sais, en mode vous voyez qu'elle est ultra dans une espèce de détresse et ça va te pendant quelques minutes il va falloir que tu reprennes tes esprits et voilà, donc pour l'instant tu perds 3 points de santé mentale. Donc. Tu as de la chance. Ça aurait pu être bien. Je te le dis. Je crois que c'est ça. À 3 points, c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal, mais crois-moi que ça aurait pu être bien pire. Vous voyez que le prince, pour le coup, et donc le toi, Catherine, tu ne veux pas regarder. Tu es vraiment. Tu te mets dans ta bulle pour te protéger. Pendant ce temps-là, vous les deux, vous regardez la scène. Vous voyez le prince qui accepte la peau en souriant. Puis il enfile la peau sur la statue, tout en marmonnant dans sa barbe. Soudain, vous voyez que la dépouille semble fusionner avec la statue de bronze, qui se met à respirer. Elle ouvre les yeux, des yeux qui sont vitreux. Elle regarde droit devant elle et le prince dit « Vous êtes le surveillant. Déterminez la culpabilité ou l'innocence de l'accusé au terme de la procédure. Vous, qui allez être les avocats de l'accusé, je vous laisse... dans ma grande... dans mon... grand magnanisme, un peu de temps avec l'accusé pour... monter votre défense. Préparer votre défense. Mais sachez que... après... va se tenir le procès où il pourrait très bien... être jugé et perdre la vie. Vous voyez que on vous amène Edgar Wellington, toujours menotté, et on vous met dans un petit coin un peu à l'écart des gens. Et de la foule en colère. Voilà, de la foule en colère. On aide Catherine à venir là-bas parce qu'en fait elle est vraiment proscrite comme ça. Donc on l'aide un peu à se relever. Vous voyez que on l'assoit sur une chaise bancale, une espèce de tabouret même. Et on vous laisse discuter. Emilio, je pense que tu es plus à même parce que tu as été accusé de pas mal de choses, donc tu dois connaître les avocats et les juger. Non. Ah bon ? Je n'ai jamais été accusé, déjà. Ah, vous avez jamais été pris. Non, c'est non. Parce que je ne fais rien d'illégal. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On a affaire. Oui, Edgar commence à prendre la parole. Écoutez, pourquoi il vous accuse ? Je ne sais pas. Je comprends pas ce qui m'arrive. J'étais venu pour récupérer le parchemin et j'étais venu me reposer un peu dans le magasin comme quand les hommes du prince ont vu irruption et m'ont emmené ici. Je ne sais pas de quoi on m'accuse. Je ne comprends pas pourquoi aussi mon ami le duc s'est retourné contre moi. Il n'y a plus les caméras Gossette apparemment. Ah. C'est tout noir. Oh, il va faire noir. Ouais, c'est poli. Alors attends. Je vais relancer la machine. Désolé. Gridfam, il a peut-être pas aimé ce qui s'est passé, je ne sais pas. Ouais. Bon, ouais, il est bien la partie, il faut qu'il se calme, Gridfam. Hein. Voilà. Bon, après, il vaut mieux qu'il le fasse maintenant, on est quasi. Alors, j'ai récupéré, venez vous reconnecter sur la partie. Ah, d'accord, faut qu'on se reconnecte. Ouais, bah, ouais, tout de suite. Ouais. Hop. Ok, pas de micro, disable service, Kaline. Kaline, cacaline. Excuse-moi. Il faut nous accepter, Gossed, s'il te plaît. Ah, mais j'ai rien. Ah bah. Je vois deux autres personnes qui sont en train d'appeler. Ouais, moi aussi. Oh. Hein ? Ok, donc Gridfam nous a séparés. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez quelque chose là ? Bah, pourtant, je suis. Oui. Alors attends, moi je vais quitter le lien, ouais, et revenir en fait. Ouais, parce que en fait, ouais, moi j'ai 4 personnes, mais j'ai pas les. Hop. Voilà, je vais même quitter mon navigateur et le relancer. Les joies du live. Ah bah, en plus, c'est bon moment quoi. C'est ça, hein. T'as un moment où j'allais tout dire à Gossed. Mince. Oui. C'est bizarre de plus vous voir, merde. Pourtant, là, moi, les gens, ils me voient dans le live. Je suis tout seul. Ouais. T'es tout seul. Ah, c'est bon. Est-ce que tu vois le call là que je fais ? Ah oui, ça, je vois un call là. Tu vois un deuxième call ou pas ? Je vois un deuxième call et je vois un troisième call. Alors attends. Oui. Hop. Et je vois un cinquième call. Quoi ? Ah ouais, c'est... Donc voilà, tout le monde est de retour normalement. Voilà, ils reviennent. Voilà, on est reback dans le. Non, normalement, tout le monde est reback. Dites-moi. Qu'est-ce qu'il disait le. Alors par contre, pensez à vos micros. Coupez vos micros. Sur GridFam. Il répète ce que je dis. Bon, il disait quoi le Wilson là ? Alors, Il disait que... Wellington, je crois. Edgar Wellington. J'étais revenu chercher le parchemin et j'en ai profité pour me reposer au magasin. Et quand les hommes du prince ont fait irruption et m'ont emmené ici... C'est un prince ou un duc? En fait, ici, c'est un prince. Ce qui s'appelle le prince, mais sinon, c'est vous reconnaissez le duc, en fait. Et après, je sais pas pourquoi il m'a emmené ici, je ne comprends pas. Et je ne comprends pas aussi pourquoi mon ami s'est retourné contre moi. Je comptais retourner après dans la Lausanne, dans notre Lausanne. Mais je suis prisonnier maintenant. Il faut m'aider. Il faut me sauver, s'il vous plaît. Comment on fait pour sortir de là? Pour vous faire sortir de là? Catherine, je peux te parler 2 secondes? Il faut qu'on se réveille. Bien sûr. Est-ce qu'on lui dit pour son corps en Lausanne réel? Ça dépend. Je pense que le dire peut lui permettre peut-être de... On s'est mis à côté, hein. Je vois le mec. Oui, je suis mort. Moi, je lui pose des questions en même temps. Parce que s'il commence à entendre ça serait... Non, mais évidemment, si on lui dit, en fait, je pense que peut-être que dans le désespoir, il vaudra bien nous dire où est actuellement le parchemin. Si jamais ça tourne mal, ça peut être une bonne route de secours, je pense, je veux dire. Ok. Après, du coup, vous revenez et en même temps, moi, vous revenez. J'ai envie de te dire, j'ai bien envie de défendre quand même son âme, hein. Même s'il n'a plus rien à perdre. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais ça tourne mal, on peut avoir une sortie, quoi. Un truc pour pas se retrouver comme des cons. Vous voyez que quand vous revenez, il se place devant vous, limite il met ses mains. Enfin, voilà. S'il vous plaît, sauvez-moi. Je vous promets de vous donner le parchemin. Le prince. Il a dit qu'il me torturerait, que je lui donne ou pas. S'il vous plaît, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas être torturé. S'il vous plaît. Du coup, vous avez quelques instants après, des hommes viennent vous chercher. Mais on n'avait pas fait une ligne de défense. Mais oui, bien sûr, on n'a même pas pu parler. Eh bien, ouais. D'accord, allez, faites votre ligne de défense. On ne sait même pas sur quoi il est attaqué, il le sait pas lui-même, mais vas-y. Pour la possession d'un parchemin qui appartient au prince. J'imagine que c'est ça. Je lui pose une question. Qui est ce prince, du coup? Eh bien, c'est le duc. Vous l'avez reconnu, non? Oui, mais il est pas là depuis longtemps. Comment ça se fait qu'il se trouve dans cet endroit? Enfin, même. Mais c'est lui qui m'a donné Lausanne onirique. Il m'a dit que ça me ferait du bien parce que j'avais des problèmes avec la guerre et que ça me détendrait, que je pourrais retrouver un peu de tranquillité ici. Et c'est vrai que sur le coup, je me sentais bien. Ça ne ressemblait pas du tout à ça quand je venais. Il n'y avait pas ces gens qui hurlaient, qui me détestaient. Bon, ressaisissez-vous, vous prenez l'opium avec en plus. Vous êtes pas un peu fou? Tout a changé ici. C'était verdoyant. Ça ressemblait à quoi avant? C'était verdoyant, c'était joyeux. Les gens respiraient la bonté. Et c'était plaisant. Je pense qu'il vous a piégé, hein. Clairement, il savait que vous mettrez le parchemin ici. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Je ne comprends pas. Je veux juste. Vous avez été piégé. Il faut qu'on vous défende. Oui, défendez-moi, sauvez-moi. Je veux sortir d'ici. Oui, je veux retourner dans mon corps. Je ne veux plus revenir ici. Et arrêtez la drogue. Et ce parchemin. Et ce parchemin. C'est Catherine qui. Répondez. Où est-ce que vous avez mis ce parchemin? Je l'ai caché dans. Je l'ai caché dans la boutique. Dans un ours que je devais empailler. Oh non. Il ne se trouve pas dans la Lausanne onirique. Bien cela. Si, il est dans la Lausanne onirique, mais dans mon atelier. Dans l'ours. Aurait-il l'ours. Non, un ours qui devait être empaillé. Il y avait un ours pourri sur. En fait, quand je suis descendu, il est là-dedans. T'es sûr? Il faut m'aider, s'il vous plaît. Je ne veux pas rester ici. Rentrer chez moi. Je ne veux plus remettre les pieds dans cette Lausanne de l'enfer. Comment on en sort, en fait? Il faut se réveiller. Mais... Comment dire? Il faut... Donc, ça se contrôle pas. Il faut... rentrer, enfin sortir par là où vous êtes entré, l'endroit où vous êtes, il faut vous réveiller là où vous vous êtes réveillé, enfin il faut vous réveiller à l'endroit où vous vous êtes là réveillé. Vous comprenez ce que je veux dire? Là où c'est, oui. Catherine, là où je pense qu'il faut lui dire. Le zanonirique. Oui. Mon ami, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Nous sommes arrivés ici parce que nous sommes rentrés chez vous. Oui. Nous avons pu aller à l'étage et vous doutez bien que si nous sommes rentrés, c'est qu'il n'y a pas eu de résistance. À vrai dire, votre frère et vous-même, dans le monde réel, ne sont plus. Quoi ? Non, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Le duc a fait en sorte que vous n'avez plus de porte de sortie. Ah, pour sûr que si. Non, ce n'est pas possible, vous me racontez des conneries. Écoutez, les objets qu'on a sur nous, normalement, ils se transforment, mais ils restent là. Donc je vais dans ma poche et je sors la seringue, je sais pas ce qu'elle est devenue, mais je sors la seringue parce que je l'avais ramassée. En fait, tu vois que la seringue que tu as n'existe pas, puisque c'est un vulgaire morceau de cuivre. Bois, de cuivre travaillé, bon. Puisque les aiguilles n'existaient pas à l'époque médiévale. Bien sûr, je m'en doutais, donc, mais je sors ça. Tu ressens dessus. C'est la seringue avec laquelle vous êtes mort dans... Enfin... Mais qu'est-ce que moi je ne me suis rien injecté. Qu'est-ce que c'est? Je pense que... Vous n'avez pas pris d'option? Mais non, j'ai seulement pris la Lausanne onirique. C'est la seule chose que j'ai pris. C'est la morphine, alors. Mais je n'ai pas pris de morphine, arrêtez. On m'a assassiné, oui. On a vu piquer de partout. Non, je n'ai rien pris de tout ça. Ce n'est pas moi. C'est le duc. Je ne suis pas mort, ouais, c'est pas possible, me dites pas ça. Non. Et votre frère aussi, malheureusement. Mon frère? Et comment est-il mort? Sans douleur. Manière paisible. Paisible. Ah, lui aussi, on l'a piqué à la morphine. Oui. Oh, au moins, il n'est pas mort dans la douleur. Oui, ou dans le vomi. Pourquoi dans le vomi? Et vous voyez qu'il est effondré, qu'il sait pas. Ok. Du coup, je vous conseille de pas essayer de retourner dans l'autre monde parce que il risque d'avoir un problème. Mais je ne peux pas rester ici tout de même. Car si je reste là, je serai voué à la torture perpétuelle. Mieux vaut mourir réellement que de rester là. Si c'est ce que vous préférez. On fera en sorte que vous puissiez vraiment vous reposer. En tout cas, nous allons quand même vous défendre, quoi qu'il en soit. Oui, de toute façon, c'est ce qu'il faut, parce que sinon, il se fait torturer perpétuellement. Oui, donc, c'est ça. Merci de écoutez, de vous aider, en tout cas. J'ai une idée. Non, une idée. Il faut faire croire au duc que, justement, le parchemin, vous l'avez perdu. Vous l'avez perdu dans ce monde. Non, il l'a perdu dans le monde réel. Ouais, dans le monde réel, ouais, pas mal. Bah, oui. Mais, oui, parce que il y a aucun moyen de savoir où est le parchemin sans vous le demander. Je veux dire, ils ont pas de... Bah, si, ils me torturent, ils pourraient être... Oui, je ne peux pas vous assurer que On va faire en sorte que vous ne soyez pas torturés, c'est notre but. Justement, si on dit que vous avez perdu le parchemin, ils verront plus aucun... Ouais. Oui, puis ça peut être une bonne ligne de défense. Au final, c'est pas qu'il refuse de le donner, c'est qu'il ne peut pas. Donc il n'a pas à être puni pour ça. Oui. On peut peut-être jouer là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Peter. Moi, j'aurais dit, on aurait pu jouer avec notre acolyte qui se trouve dans le monde réel. Entre guillemets, on dit que le parchemin est en possession de nous dans le monde réel. Et nous sommes juste venus chercher notre Williamson pour faire la conclusion du marché. Je ne sais pas si ça peut passer, en fait. Non. Ah. Je pense pas. Peut-être. Non, ils vont juste venir. Il va juste envoyer des personnes pour venir nous chercher. C'est un peu compliqué là, du coup. Seulement oui, réflexion. C'est vrai que si on s'implique directement, oui, c'est vous avez raison, Emilio. Si on s'implique directement, oui, on risque d'être pris en otage, on risque qu'ils s'en prennent à nous. Mais c'est nous qui allons nous faire torturer. Non, oui, c'est ça. C'est en pas fait. Pas nous. Oui, non, il faut qu'on soit innocent tout autant que. Que notre ami Edgar. Voilà. C'est vrai que faut un truc solide. Hein. Faut un truc solide. Ou alors, oui. Il en perd. Il a peut-être. Il a fait des copies. Non, mais il a pu faire des copies. Qui, Edgar ou... Mais est-ce que ça nous avance à quelque chose de dire qu'il a fait des copies? Attends, je crois qu'on a reperdu les caméras là. Oh là là, c'est pas possible. Toutes Sauf Emilio. Sauf Emilio. Il y a que Emilio qui est présent. Excusez-moi, le meilleur est là. On peut continuer. Ah, attends. Si je fais du ça, coup... je réapparais. Non, je revois pas. Non. Oh là là, attends, je livre, je reviens. Moi, je fais un appel là. Je relance. Oh là là. Bon, c'est l'URL directement. Ouais, c'est ce que j'ai fait moi. Moi aussi maintenant. Non, on te voit toujours, Emilio, mais moi je crois qu'il va falloir que je refresh encore. On continue à jouer. En même temps. Ah si, il y a toi, ouais. Catherine qui vient d'arriver. En fait, t'as pas besoin de partir. C'est juste vous fermez totalement la fenêtre et vous relancez le lien de zéro en fait. En le remettant. De toute façon, le lien c'est toujours la même. D'ailleurs, je vais le donner publiquement, comme ça les gens pourront venir. Alors, https://gridfam.com/. Moi aussi, il faut que je quitte et que je revienne. Non, moi, mais non, toi, t'es là, t'es avec nous. Mais non, je suis pas présent dans le. Ah live. Ouais, nous, on vous voit pas en fait. Bah alors, il faut que tu fasses pareil, Gossad, effectivement. Ouais, bah, pareil alors. Alors, si je quitte la conversation, est-ce que vous êtes toujours là? Moi, là, c'est ça? Ouais. Coucou. Non, oui. Je crois que. Vous allez bien? Moi ça va. Saviez-vous? On n'est pas mort. On n'est pas mort. Pas encore. Alors, on peut continuer à jouer là. Pour moi les copies c'est une mauvaise idée parce que. On est en face d'une foule en colère. À côté, un prince, voire un duc, qui a l'air d'avoir des pouvoirs surnaturels. Il a tué le frère de notre ami, et tout ça pour récupérer le parchemin de Sedefia. Donc je pense que cette personne est un petit peu... il est complètement fou déjà, mais il est un petit peu... il a quelques coups d'action, si vous voulez. Ouais. En soi, je pense que là, sur le coup de défendre notre ami, ça va être un peu dur. À part si quelqu'un de très charismatique arrive à prendre avec lui la foule de Lausanne. C'est compliqué. Mais c'est aussi ce que je pense. Pour moi, il faut essayer d'avoir la foule. Le problème, c'est que je suis pas très bonne, moi, à ça. J'essaie énormément d'utiliser le charme, mais charmer une foule entière, c'est un peu compliqué. Je suis pas mauvais pour être en scène et pour parler à un public. J'ai fait pas mal d'années de théâtre. Mais après, je risque d'improviser énormément et de pas suivre un texte fixe. Ah, ça, c'est pas... Oh, de toute façon, on n'a pas le temps d'écrire un texte, Peter. Donc, si vous savez improviser, j'ai même envie de dire que c'est mieux. Cependant, nous savons que la population lui en veut parce que ce qu'a dit le prince, c'est que il les a trahis. Oui. Il faut prouver qu'il n'a pas trahi la Lausanne, mais que, inversement, c'est le prince qui essaie de le trahir la Lausanne. Et ça, ça va être une rhétorique qui va être des plus compliquées. Oui, alors par contre, c'est vrai que sur le papier, ça a l'air d'être quelque chose de... Enfin, je pense que c'est la meilleure façon qu'on a de s'en sortir, mais il va falloir un discours solide. Et moi, on va faire une tirade. Je peux faire quelques tirades, ça peut toujours mettre la foule dans la bonne humeur, bien sûr. Pour mettre feu à quelques champs par la même occasion, mais on verra la suite. Ah, c'est... En soi, je pense après, que la foule en colère, elle peut suivre l'émotion. Je pense que certains arguments pourraient être assez facilement fallacieux et surtout attiser l'émotion. Je pense que ça marche plutôt pas mal. Enfin, je pense notre meilleure chance et notre meilleur atout, c'est qu'on sait où se trouve le parchemin. Oui. Et ça, on peut pas le dire. Non. Alors, est-ce que vous avez terminé votre défense ou vous êtes sur le point de... Ah, notre défense, ça va être on improvise. C'est quand même d'accord. Génial, ça. Eh bien, vous voyez que au bout d'un certain temps, des gardes arrivent près de vous et vous amènent du coup sur l'estrade. Je baisse un peu la musique parce que hop. Ouais, parce que là, c'est tendu. Le procès est ouvert. Vous voyez que il se dirige vers le juge. Donc c'est comme ça que il nomme le colosse là. Il nomme la statue qui s'est matérialisée, enfin qui a fusionné avec la peau. Il vous dit que le juge donnera son verdict. Il sera impartial. Il ne prendra parti pour personne. Et si votre argumentaire est bon et convaincant, alors Edgar Wellington sera libre. Mais si ce n'est pas le cas, alors il sera jugé, puni et connaîtra la mort dans les tourments et paiera pour ses crimes. Merci votre honneur. Alors vous voyez que il commence à faire des pas en long, en large. Et il se tourne vers la foule. Peuple de Lausanne, ce traître a refusé de coopérer avec les officiers assermentés du royaume, puisque lorsqu'il a été convoqué devant la cour populaire de Lausanne, il s'est débattu à hurler et protester vivement, provoquant un esclandre dans la rue, créant plus de troubles que nécessaire pour les officiers chargés de son arrestation. Un tel comportement vise à saper mon autorité et constitue une provocation envers ma volonté. S'il était innocent, il se serait laissé faire. S'il s'était laissé faire, il aurait été relâché en temps et en heure. Ces anciens préceptes de mon règne ont été bafoués, et je demande au juge de le reconnaître coupable de cette charge. Vous voyez que le juge ne répond pas. Vous voyez juste cette espèce de respiration asthmatique. Et bien. Le prince se tourne vers vous et vous donne la parole. Prince, écoutez ce que j'ai à dire. Je vais défendre mon client. Peuple de Lausanne, Sachez que mon client, si présent, Monsieur Wellington, est un ancien soldat qui a vécu la Grande Guerre. Traître, vous direz-vous ? Bah, point du tout. Il a aidé parfaitement l'infanterie et même sauvé plus de vies qu'il en a tué. Sachez que cet homme en est sorti avec son frère et non indemne. Il a vécu une vie de misère à être taxidermiste. Et il est devenu maintenant ce que vous voyez maintenant devant vous. Un homme accusé pour ne serait-ce quelle raison par un prince qui a l'air de se jouer de vous. Si prince est-il, son royaume est celui-ci. Mais je pense que vous voyez en lui juste quelqu'un de charismatique. On dirait plutôt quelqu'un qui a beaucoup d'éloquence. Moi, je vois juste un imposteur. Hein. Quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Ou peut-être qu'il aimerait devenir. Il se donne des droits. Et je vois que vous êtes prêt à lui donner même tout le pouvoir. Mais, là, n'est pas la question. Protestation, vous direz-vous, je... Vous direz-vous, je... Pardon, excusez-moi. C'était beau. Le prince, le un sourire. Débattu, aurait-il fait. Je pense qu'il s'est simplement laissé faire. Sinon, en tant qu'ancien soldat, il aurait peut-être matraqué certains d'entre vous. Il a voulu ne blesser personne. Simplement, il n'a pas envie de faire souffrir plus de gens. Déjà qu'il a beaucoup souffert, dû à la mort de son frère. Revenir dans la Lausanne que nous connaissons pour lui est très difficile. Et voir sa vie se faire torturer jusqu'à la fin, je pense que vous ne trouverez pas ça acceptable. Cet homme a déjà beaucoup souffert. Vous l'accusez de quoi exactement, mon prince ? Une simple protestation ou plus ? Comme un vol ? Ou une trahison ? Je pense que non. Simplement, vous êtes jaloux de cet homme. Continue. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Ok. Non, mais vous voyez que le prince vous fiche. Je peux faire un test de charisme, hein, si tu veux. Non. Ton argumentaire suffit. Se tient. Ça suffit. Vous voyez que le prince vous fusille du regard. Et il boue de haine. Oula. Mais le juge, lui, ne bronche pas. Et reste dans sa respiration asthmatique que je vais éviter de refaire à chaque fois, sinon je vais vraiment faire une crise d'asthme. Il se tourne alors vers le peuple. Peuple de Lausanne, l'accusé est un étranger. Ce que ces audacieux défenseurs ne sauraient récuser. C'est un Anglais qui se tient devant vous, preuve vivante de sa culpabilité. Nous, les habitants de Lausanne, nous prévalons de la pureté de notre sang. Telle est notre force et notre gloire. Grâce à cette pureté, nous sommes unis sous ma bannière. Sa présence, tel un cancer, attire d'autres corps étrangers. Et ça, il le dit en vous regardant. Qui doivent être éliminés. Vous voyez que la foule acclame les propos du prince. Et comment dirais-je? Objection. Mais après, est-ce qu'il me laisse faire? Attends, je lis un truc quand même parce que c'est un peu plus technique là maintenant. C'est à vous. Je peux que objecter ce que vous venez de dire, monsieur le duc. Vous venez vous-même de vous présenter, enfin, excusez-moi, de vous présenter sous votre vrai jour comme étant duc des Estreintes, un pays peut-être imaginaire, mais qui apparemment se trouve en France. Vous êtes français, et non de Lausanne, et encore moins de Suisse. C'est faux, j'ai toujours vécu ici. Mais je croyais que vous étiez aussi parti dans une Turquie, à Constantinople, si je me souviens, et vous faites appeler le français. Depuis quand quelqu'un de sang de Lausanne se fait appeler le français? Je pensais que la Lausanne était même digne d'être nommée. Vous dites pas vous êtes français, mais vous êtes de Lausanne. Voyons, voyons. La Lausanne appartient à ceux qui travaillent. Et justement, mon client, lui, il travaille en tant que taxidermiste. Et il l'a défendu pendant la Grande Guerre. Quant à vous, je ne sais dans quel coin vous y étiez pendant que les hommes se battaient pour défendre ces terres et leur indépendance contre une menace venant de l'Est. Peut-être vous faisiez partie de ceux qui collaboraient. Dans tous les cas, mon client cherche juste à rester en paix et à protéger les gens de Lausanne. Certes, vous avez un sang et même une culture qui vous est propre, mais nous cherchons juste à nous solidariser avec vous. Sachez que vous m'accusez également de mentir à mon peuple, mais j'ai toujours vécu dans cette Lausanne, la Lausanne onirique. Peu importe que dans votre monde je sois un tel ou un tel, je suis ici chez moi. C'est mon Lausanne. Alors que le... C'est pas la Lausanne du peuple ? Non, je suis le prince de ces lieux. Je suis le garant de l'ordre de Lausanne. Moi, je regarde les gens. Vos accusations. Je regarde les gens et vous acceptez ce mégalomane comme prince ? Vous vivez encore au XIIIe siècle ? C'est incroyable. Oui, tu vois que les gens, ils sont quand même... Enfin, ils sont quand même pro-prince. Qui sont, voilà, même si certains, tu notes que certains, avant c'était unanime, tu sens que certains, ils se regardent un petit peu, tu vois, mais quand même, il y a quand même une majorité de gens qui vous scandent étranger, vous n'avez rien à faire là. Dehors, moi, qu'on les pende. Moi, j'ai juste une question pour notre très cher prince. Si. Vous-même, vous détestez autant les étrangers. Pourquoi partir dans notre terre? Pourquoi venir dans notre terre et commettre des crimes? L'assassinat du frère de mon client en est la preuve. Je ne vois pas de ce que vous parlez. Ah bon? Et tu vois que il se détourne et il part direct aux gens. Peuple de Lausanne, nous accusons notre perfide ennemi de posséder des connaissances interdites. Qui peut savoir les secrets que peut dissimuler un étranger? Et il en cache, cet homme, tel que vous le voyez, coupable de vouloir nous tromper, coupable de chercher à profiter insidieusement de son prince et de son peuple. Cet homme a foulé notre terre sacrée en possession de ce que, en tant que souverain, je suis le seul à pouvoir obtenir. Quels sont ces sombres desseins? Pourquoi tant de d'artifices? Pourquoi camoufler ce qui m'appartient de droit? Ces motifs ne peuvent être que malveillants. Il doit être puni pour avoir caché le parchemin quelque part dans notre principauté, comme une mine prête à exploser sous nos fondations. Oh, s'il m'apportait le parchemin, il aurait certainement ma clémence. Mais il persiste à se taire. Il nargue et méprise ma volonté souveraine. J'exhorte le juge à considérer les crimes de l'accusé et à le déclarer coupable des charges qui pèsent contre lui. Vous voyez que il se toise, qu'il a, il s'avance. Vous n'êtes pas habilité à déclarer quelqu'un de coupable. Seul le juge le peut. Et faire office de loi fait de vous un tyran et non un prince. En effet, le juge le peut. Mais le juge sait que j'ai raison et qu'il faudra le juger coupable. Et comment est-il arrivé ici, en Lausanne onirique? C'est lui-même qui est venu. Je n'y suis pour rien dans tout cela. C'est vous qui lui avez donné la fameuse Lausanne onirique, une bouteille qu'on a trouvée. Et j'imagine que la plupart des personnes qui s'y trouvent ici sont aussi au courant que vous donnez ces genres de lotions. Vous accusez des étrangers, mais vous les faites venir. Quel étrange procédé. Je ne vois pas de quoi vous parlez. De plus, ce parchemin ne vous appartient pas. Si, il est la propriété du prince de Lausanne, et je suis ce prince. Et donc, vous avez tué un homme pour un parchemin. Je crains que non, prince de Lausanne que vous êtes, ce parchemin appartient encore à son destinataire. Et à son possesseur, surtout. Sachant que Raoul Malon, le précédent qui a fait ce fameux parchemin, qui détenait ce fameux parchemin, l'a donné à notre client. Est-ce que vous êtes des témoins comme quoi ce parchemin vous appartient? Avez-vous déjà parlé de ce parchemin avec quelqu'un d'autre que nous? Je suis le possesseur de ce parchemin. Et vous, étrangers méprisants qui venez me voir chez moi, dans mon royaume, vous n'avez aucun droit. Je suis le prince de ces lieux, et je ne suis pas l'accusé. Cet homme l'est, et le juge en décidera. Et je sais qu'il choisira la bonne version, c'est-à-dire la mienne. Nous aussi, nous pensons qu'il va choisir la bonne version, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais comment ça se fait qu'un étranger, comme vous dites, a pu récupérer le parchemin d'un grand prince tel que vous? Un taxidermiste? Un voleur, c'est ça! Un voleur! Il est venu me voler, mon bien! C'est vous-même qui êtes venu le voir! C'est vous-même qui êtes venu à sa rencontre! Des fadaises! Des fadaises! Mais... Et quand vous aurait-il volé ce parchemin? Ça, mon ami, je ne le sais pas. Mais il paiera pour ses crimes. Ça, j'en... Et qu'y a-t-il dans ce parchemin, alors? Si vous le connaissez tant. Des connaissances ancestrales. Des connaissances qui, dans les mains d'une mauvaise personne, peut amener le désordre et le chaos. Moi seul est à même de pouvoir me charger de ce parchemin. C'est pour cela que je veux le récupérer. Et c'est pour cela qu'il me revient. Car je suis le seul à pouvoir le maîtriser. Et donc, une personne ayant ce parchemin-là et n'arrivant pas à maîtriser un tel pouvoir aurait pu se laisser faire attraper par vous et vos gardes et n'aurait pas utilisé ce parchemin. Et cela n'aurait pas empiré en créant des catastrophes. Car vous le dites vous-même, ce parchemin entraîne le chaos. Et d'ailleurs, vous êtes aussi au courant que ce parchemin n'est pas dans votre royaume actuellement. Tu vois que le juge commence à se tourner vers vous. Et commence à respirer un peu plus fort. Donc, avec cette même respiration asthmatique, mais plus forte. Donc, il nous souffle dessus. Vous voyez le juge qui lève le bras et se dirige vers vous. Il a pas aimé ta dernière phrase. Les chaînes qui retiennent Edgar Willington s'évanouissent. Le prince est furieux. Le juge à trancher, il décide que Edgar Willington est innocent. Vous voyez le juge, enfin le, pas le juge, mais le duc qui tourne en rond sur l'estrade en frappant des pieds. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, la foule qui était si hostile envers vous au début de ce procès ne fait plus un bruit. Elle est comme paralysée. Et elle s'écarte pour vous laisser passer. Bon, je dis à Edgar, échange de bons procédés, on vous a défendu. En échange, on peut bien prendre le parchemin gratuitement. Vous commencez à avancer, hein, effectivement. Mais au moment où vous allez pour quitter la place, vous entendez la voix du prince. Aujourd'hui, nous n'avons rendu qu'une partie de la justice. Qu'en est-il des étrangers qui ont défendu le criminel et de leur conspiration? Trouvez-les et amenez-les-moi. Vous voyez la foule qui répond en criant de toutes ses forces. Ouah, on les attrape et on les tue. Ah. Et vous voyez qu'une foule commence à courir vers vous. Qu'est-ce que vous faites? On court. À ça, on n'a qu'un but, c'est rejoindre l'appartement. On dépièce l'ours et on se casse. C'est plus ou moins toute notre trajectoire jusqu'à la fin des temps. Run for your life! C'est ça. Moi, je m'en fous, j'ai 7 de mouvement, donc je suis plus rapide. Donc vous vous mettez à courir comme des malades dans les rues de Lausanne, de la Lausanne onirique. Ouais. Vous voyez que les rues sont totalement vides. Il n'y a plus personne. Et vous voyez, entendez la foule qui le bruit, ça crie dans tous les sens. Vous dirigez vers dans quelle direction? Vers le taxidermiste. Okay. Vous voyez du coup Edgar qui court avec vous, qui du coup vous redit quoi qu'il se passe, si jamais on arrive, enfin si j'arrive pas à m'en sortir, sachez que n'oubliez pas l'ours, le parchemin est dans l'ours. Vous courez pendant au moins une quinzaine de minutes. D'ailleurs, vous vous rendez compte que le trajet est plus court maintenant que ce qu'il a été à l'aller. Et vous finissez par entrer dans le magasin. La foule continue à courir et est sur le point de se masser devant le magasin. Prends les meubles et je les mets devant les portes, les fenêtres et tout ça. Je se barricade comme je. D'accord. Pendant que tu fais ça, moi je. Bah, on commence à aller sur l'ours, je pense. Hein. Je vais demander à Peter de m'aider parce que. Ça va quoi. Ok, donc vous arrivez vers l'ours. Qui c'est qui le prend? Bah, on y va à deux quoi. Oui, mais enfin, qui c'est qui va le chercher? Ah! Peter, allez. Moi. Allez, Peter. Quoi, il est pas galant aujourd'hui, eh ben. Bah pour aller fourrer sa main dans un ours, ça okay, va. Ok, tu commences à mettre justement, ta main dans la, en fait dans la gorge. Tu vois que, en fait, juste avant de rentrer ta main à l'intérieur, tu vois qu'il est, rempli d'une masse de, enfin c'est de la chair, de la putréfaction, ça pue, c'est ignoble. Tu mets ta main, ça va être... C'est tout bien, tout spongieux, tout dégueulasse. Tu rentres ton bras quasiment en entier dans la gueule de l'ours. Et tu vas me faire un jet de toc. Le jet de toc ici. Ce qui va déterminer combien de temps tu vas mettre pour trancher. Je vais faire un succès simple. Ok, ça va, donc ça va, tu commences à fouiller. Et au bout d'un moment... Au bout de 5 minutes, tu tombes sur quelque chose de solide. A priori, c'est un étui. Tu retires ta main. Mais t'en sors pas indemne parce que tu vas me faire un petit jet de sand quand même. Tu viens de mettre ta main dans un ours dégueulasse. tout baveux, tout pute. Oh non, putréfaction. Ours dégueulasse. Voilà. Donc tu vas me perdre. Combien tu vas perdre? Ok. Au moment où tu sors le bras de l'ours, en fait, tu tires l'étui, mais en même temps que tu tires l'étui, tu sors une partie des boyaux de oh. tout ça qui te tombe sur toi, ça pue et tu revomis littéralement. Hein, tu finis ce que t'avais commencé sur. Malade. tu finis ce que t'avais commencé déjà là sur Emilio. Tu oh me non, perds oui. 2 points de santé mentale, s'il te plaît. Bah du coup, là je viens de passer en folie, quoi. Enfin, alors je te laisse 5 en tout. Je te laisse choisir ta folie. Je te laisse le choix. C'est toi qui vas choisir. Qu'est-ce qui t'arrive? On va faire maintenant des Italiens. Sans de folie. On va dire. C'est pas bête ça, Kinan. Agoraphobe, non? Non, regarde. Végétarien. Regarde ce qu'a mis à Kinamna. Peur des ours. Ok, c'est pas mal. Honnêtement, okay, je pensais qu'on aurait posé beaucoup d'ours dans la campagne. Non, mais ça dure pas longtemps. Hein. Tu au moment où tu vomis tout ça, tes yeux tombent sur l'ours. Et en fait, tu as l'impression qu'il est vivant. Et ce qui te propulse, tu te propulses en arrière, tu tapes sur la commode et tu mets tes mains en arrière, genre. Et vous voyez du coup, vous voyez votre ami Xen qui est terrorisé par un ours mort. Peter. Mais Peter, moi je vais parce que de toute façon je t'ai rendu des Peter, donc je vais directement à lui et je le rassure. Et en fait, même s'il bouge pas, de toute façon, je commence à essayer de le lever pour. Bah, de toute façon, maintenant, il faut qu'on aille juste à la salle se réveiller. Donc, oui, vous en faites pas, c'est fini. Il est mort. Enfin, vous voyez que. Ah, avancez, montez les escaliers. Voilà, tu il vous voyez que. Il m'a croqué. Vous voyez au même moment, ça fait. Mais non, il est mort. Sur la boutique, ça tape dans tous les sens. Allez, on va les attendre. Mio, aidez-moi à porter Peter. On va le. Il nous lâche au meilleur des moments. Non, je suis juste un peu palot, hein, mais je peux marcher. Ok, ça va. Là, c'était au cas où. Pour te relever. Ah, ça, mais Peter, mettez-lui du chloroforme. Une vitre commence à exploser. Il y a des gens qui commencent à essayer de passer. Ça crie. Il faut les attraper. Vous voyez que les gens ils passent les bras, ils se déchirent les bras sur le. Il y a du sang partout parce qu'ils sont prêts à s'arracher. Il y a des lambeaux de chair. Il y a des gens qui tirent malgré les morceaux de verre. Vous faites quoi? Vous montez à l'étage? Oui, en fait, depuis le début, hein, on n'est pas resté les regarder. Oui, non, mais voilà, j'essaye de mettre un peu d'ambiance quand même. Ah oui, crise de panique sévère, quoi. Ok, donc du coup, vous arrivez là, donc, à l'endroit où tout a commencé pour vous. Vous voyez Edgar qui vous dit il faut vous placer dans la même manière où vous vous êtes endormi. Placez-vous de la même manière que vous êtes endormi. Vous voyez que lui, ça s'allonge sur la paillasse, sur le lit. Alors attends, on s'était mis à ce niveau-là. Moi, j'étais là. Je me suis endormi où, moi? Plutôt par là-bas, parce que vous après, avez fait. Après nous, quoi. Donc, je sais pas. D'accord, rien. Avant nous. Vous voyez que quand vous êtes en train de vous préparer, la porte explose en bas du magasin et des gens commencent à monter. Allez! Non, faut espérer qu'on se réveille facilement. Hein. Et au moment où il y a Edgar qui vous crie « Fermez les yeux! Pensez à votre corps! Pensez à votre corps !» Et vous faites ça. Les yeux, je pense en moi. Vous pensez à votre corps. Et... vous vous retrouvez tous instantanément dans votre corps d'origine. J'ai le parchemin, j'ai la clé. Vous voyez que Peter a dans sa main un cartouche, un étui en cuir. Vous voyez que le corps d'Edgar qui est toujours inerte. Vous voyez aussi Nelson qui réalise que vous venez d'arriver puisqu'il vous tournait le dos, il regardait en bas de l'escalier. Et quand il entend du bruit, et il se retourne et vous trouve éveillé. On se tire de là. On prend le train là. Maintenant, on prend le premier train. Là oui. On dort pas tant qu'on n'est pas dans le train. C'est bon. On a le parchemin, Nelson. On a dormi pendant combien de temps? Je ne sais pas. Peut-être. 20 minutes? Juste 20 minutes? Oui, je crois, 20 minutes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous fais des têtes, on dirait que vous avez vu Peter la mort. Peter est toujours pas hyper pad là. De quoi? Il est toujours. Peter est toujours pad ou il Ah oui, non, mais je disais, là, tu vois Nelson, il s'inquiète, ouais. Il dit, mais vous avez vu la mort, on dirait que vous avez vu la mort, vous avez des têtes déterrées. Que s'est-il passé? Longue histoire, Nelson. On s'est battu dans un échiquier géant. Allons à l'hôtel. On a fait un procès en tant qu'avocat. Allons à l'hôtel et préparons nos allons affaires. Allons à l'hôtel, prenons nos affaires. C'est une histoire du magicien qui perd ses membres. Ok. vous dirigez à votre hôtel. Et on va s'arrêter là pour ce soir. La peur de l'échec critique. La peur de l'échec critique.